direct sur le web. Vous êtes à CFOU.ca. 89.1, Trois-Rivières. Vous êtes à CFOU. À Trois-Rivières, c'est le 89.1. Cette semaine, on a Mathieu Plancheau. Donc, Television, Television, Mike Ward aura son émission de variété à Télétoon la nuit. Hey, Télétoon, la seule chose de Toon chez Mike Ward, c'est son nom de famille, il se met à l'envers, c'est Draw. Dans le segment Geeks et Elix, un avion bloqué au sol à cause d'un nom d'accès Wi-Fi douteux. Juste dans mon bloc, là, il y a un point d'accès Jésus ma force, League of Legends is fun et I got hose. Et dans Merci Science, un jeune qui peut vous faire paraître 2 années plus vieux pour Mathieu Plancheau tout de suite. Et voici celui dont le point d'accès Wi-Fi s'appelle Mathieu Plante. Bonjour et bienvenue au Mathieu Plante Show avec Mathieu Plante. Je m'appelle Mathieu Plante. Aujourd'hui, dans l'émission de la semaine du 2 mai 2016, la chronique télévisuelle Television Television, la chronique de sciences, technologie et médecine, merci science, le segment Geek CNX s'en vient aussi. Mais dans quelques instants, ce sera la chronique sur les jeux vidéo rétro d'un gamer à un autre avec notre collaborateur Samuel Girard. Bonjour Samuel! Hello! Hello! Qu'est-ce qui s'en vient dans ta chronique aujourd'hui? Très simple, un jeu qui a marqué l'histoire des jeux vidéo, Conker's Bad Fur Day. Ah, ça va être poilu ça! Ça va être poilu! Et écureuil, écureuil, écureuil. Si t'as l'écureuil, c'est Conker. Ouais. Alors, on va commencer pour essayer de se laver les oreilles de ce mauvais gag et de tous les autres qui l'ont précédé. Alors, bref, voici une pièce chiptune. En fait, je la présente à toi, Samuel, parce que c'est inspiré par Sonic. C'est un petit peu hip-hop rappé. Voici donc Ring Out, featuring le producteur Shag et le duo Marcus and Rome. On met ça dans l'ordre, ça donne quelque chose comme ceci. Mathieu Blanchot, sur ses... Here we go again, here we go again. Showing people why we're the best there is. Still it's a surprise when they hear us speak. Telling us that we gotta rap and repeat. Here we go again, here we go again. Showing people why we're the best there is. Still it's a surprise when they hear us speak. Telling us that we gotta rap and repeat. Let's slow it down for a second. Remember when I crumbled up your verse with my words and I was in first cause you would spit worse than what my shit's worth? I find that it wasn't nice when I rhyme too quick. They trip when I let it unwind. I know they wanna be swift but we'll miss. Won't be ready to go when I come in. All the rappers they be thinking they're better whenever they're holding the mic before us. But when up on it when they wanna get it, not other people, it only bore us. Of course it bore us, your voice is pointless. Go check your sources, I bet your noises knock off a pop, but you made those choices. I'm a thorn in the rose like poison. I will find a way to rhyme around the bullshit. Maybe climb atop and dive into them. Fuck the jewels, now run your mind and wash your brain, but mine is my solution. I mean, every time a doofus rhyme, a stupid line, I find that I'm in ruin. Come on, shut your mouth, you thought you found a stylish sound, but won't prove it. All the rappers, they be thinking they're better whenever they're holding the mic before us. Yeah, yeah. But when up on it, when they wanna get in at other people, it only bore okay. us. The reason everybody wanna give into the bullshit, it might ignore uh-huh. us. It's only cause the people thinking we're too good, it must be bogus. So here we go again, here we go again. Showing people why we're the best there is. Still it's a surprise when they hear us speak. Telling us that we gotta rap and repeat. Bring it back, son. You ran out of rings to flash and you're back to act one. Think you're fast enough, you better fasten up your passengers if you wanna catch up. Jack of all trades and a master them. Ben and Jack would say your boasts and brags are done. Blowing that smoke, you might hack a lung so you can drag on. I'm a fucking dragon. Specifically like Ridley, cause chicks be trying to smash but I'm too big. We're just a couple Koopa kids taking you and your princess dish for a spin. Watch out for the... Oh, guess you missed it, but that's what you get when you're equipped with the physics of Sonic 06. What is this? where the game grumps of the rap game. Can't play while we laugh at you lames. Half of you claiming greatness, heard the tape and you rage quit. Couldn't say shit. It's dangerous to go alone. Take this microphone, go Donkey Kong. Ape shit on a song. Take grips on a bond. Spit it 8-bit 16 and I'm gone. Forgot I was a man until I got a better bit and go Kiri Forest. Now the bitch is telling me listen to whatever the mission like it's more important. You better know the flow and it's my domain and my domain is flowing like Zora's. You met with a terrible fate and your final day finally done for sure. So here we go again, here we go again. Showing people why we're the best there is. Still it's a surprise when they hear us speak. Telling us that we gotta rap and repeat. Ah, la grande finale, yeah! Rated D for dope. OK. GameCube, voilà. Tu disais que ça massacrait pas mal la chanson. Un petit peu, oui. Par bout, hein. C'est sur l'album Rated D for dope par Marcus and Rome. On vient d'entendre l'extrait. Ring Out Prodshag. Prodshag, j'imagine produit par Shag. J'ai aucune idée ce que ça veut dire. On s'en fout, c'est du rap. Ça fait changement, hein. Vous l'avez entendu, c'est la voix de Samuel Girard qui est juste devant moi. Pour sa chronique, voici d'un gamer à un autre. Salut, c'est bien. Hey, c'est trop sympathique ça comme chanson. Ça va bien? Ça va très bien. Oui, on parle de Conker's Bad Fur Day aujourd'hui. C'est pour ça qu'on a entendu la musique d'introduction et maintenant la trame sonore derrière. Exactement. Oui. Donc, j'allais dire pour les gens qui ne connaissent pas Conker's Bad Fur Day, qui ne connaît pas Conker's Bad Fur Day? Ah, come on! Le public en studio se déchaîne. Ah, je connais pas ça. Ouais, c'est ça. Mais maintenant, tu vas en savoir plus dessus. Ben, exactement. C'est l'idée. Donc, je vous résume ça. De manière très très simple, c'est un écureuil vulgaire, okay. Accro à l'argent, ouais. Accro au sexe, et ils en ont fait un jeu vidéo. Au début, c'était supposé être un personnage pour enfants. Oui, mais c'est pas resté pas ça. Tellement, ouais, maintenant. Il a l'air visuellement d'un personnage pour enfants, on pourrait faire un dessin animé avec lui, mais ça jouerait sûrement à Télétoon la nuit, genre. Ouais, et il y aurait peut-être pas les mêmes dialogues qu'il y a dans le jeu. Non. C'est ça. Ouais. Ce que je voulais vous amener, parce que c'est bien beau de dire, ok, c'est un personnage vulgaire, puis c'est un jeu que Nintendo, on s'entendait jamais d'eux autres, mm-hmm. on s'entend, là, si on s'entendait pas un jeu 18 ans et plus comme ça de la part de Nintendo. Absolument pas. Et c'est ça, mais ça a été un franc succès qu'on n'a jamais pu répéter. Est-ce que c'était un succès dès la sortie, ou est-ce que c'est maintenant avec l'historique dès derrière? Dès la sortie. Et il est sorti à la fin. Okay. De l'ère Nintendo 64, donc c'est un jeu rare, c'est un jeu qui est... Oh, le jeu de mots! Hey, c'est vrai! C'est un jeu de mots rare et un jeu de mots de la compagnie Rare. Ouh! Pas pire. C'était pas ça mon but, mais c'est pas grave. Ben, fais semblant, ça aurait mieux passé. Non, en tout cas, c'est pas grave. Donc, c'est ça. Ça se peut que vous entendiez plusieurs vulgarités si à un moment donné, Conker parle par-dessus la musique, ouais, comme ça le fait. Il parle un petit peu, mais je viens de passer à la prochaine. Non, c'est pas grave, là. Mais c'est ça. Mais c'est vrai que vous entendiez de belles vulgarités, mais c'est pas grave. C'est en anglais, ça compte pas, ça, selon le comité de programmation. Oh! C'est fantastique. Ouais. Donc, c'est ça. Donc, le jeu qui a commencé initialement... On va faire un petit jeu d'aventure accessible à tous. Conker a apparu dans Diddy Kong Racing. Ouais. Diddy Kong Racing voulait faire la promotion des personnages de Rare. Donc dans la version originale, dans la version refaite, oui. Sur la DS, ils l'ont changé pour quelqu'un d'autre. Ouais, c'est ça, exactement. Les propriétés intellectuelles. Mais c'est sûr, Rare avait pu... Appartient à Microsoft. C'est ça, exactement. Mais moi, je parle de la version de Nintendo 64. Donc c'est pour ça qu'on voit Banjo-Kazooie, on voit Tip Top, on voit Conker. Bon, plusieurs personnages comme ça qui finalement se sont retrouvés dans d'autres jeux. Mm-hmm. Donc on vous les a présentés là, mais même Banjo, même on pourrait inclure, ils ont changé avec le temps. Ouais. Ok, on s'entend, c'est pas les mêmes personnages que vous avez vus dans Diddy Kong Racing. Donc Conker, qu'est-ce qui arrive? C'est quoi l'histoire un petit peu? Ben c'est simple, c'est Conker qui décide de virer une solide brosse et tellement chaud, tellement tout croche, qui se ramasse dans une aventure qui a ni queue ni tête, perdu loin de chez eux. Ouais, c'est ça. Ouais. Et bref, c'est l'anarchie tout le long du jeu. Ce que je trouve de bien dans ce jeu-là, c'est toutes les références qu'ils ont décidé de nous placer dans le jeu. Et c'est là que ça devient intéressant. J'ai sorti la liste des références. Tu vas nous faire une petite chronique throwback, un petit peu comme dans le temps quand tu faisais des Easter eggs, sauf que là, c'est des références. Références de films, ouais. C'est ça. Je connais pas tous les films, j'ai pas vu tous les films, donc peut-être que Mathieu, tu vas pouvoir m'aider. Je suis pas très film, moi non plus, je suis plus série télé. Ok, bon, tu on est deux. Bon, bon, ben regarde, on verra, peut-être qu'Adon va être pas pire. Donc, c'est ça, la partie justement où Conker est vraiment, mais vraiment sa brosse. Donc, il y a une référence à Clockwork Angel, Orange Mécanique. Ouais. Est-ce que tu as déjà vu ce film-là? Pas vu, non. Ok, bon, ben, on est deux à ne connaître très bien le film, mais à ne pas l'avoir vu. C'est au sommet de ma liste. Mais... Ouais, c'est ça. Donc, c'est la séquence d'ouverture où est-ce qu'on voit Conker, je sais tu de mon coup. Ils disent-tu ici? C'est vraiment mal décrit, par exemple, je trouve. Bon, commencement. c'est vraiment, ça commence vraiment mal. Bref, la scène d'ouverture du jeu, c'est une référence directe au film. Et on a Father Ted, donc, qui est une référence à ce film-là. Donc, c'est qu'il y a une pancarte qui dit Feck Off Crows. OK. Ça a l'air que ça, c'était écrit ça sur une des pancartes du film. Ils ont repris la même chose. Ensuite, on arrive dans la partie du jeu qui s'appelle Windy. Donc, première référence qu'on a, c'est le film Full Metal Jacket, un autre film que j'ai pas vu. Donc, c'est encore une fois une citation du personnage Birdie qui dit « You love Manuel long time ». Et aussi « Me love you long time ». Donc, encore là, c'est des phrases directement référées là-dessus. Ensuite, le film Blue Velvet. Donc, c'est une conversation entre Conker et un Barry. Pose pas de questions. Donc, c'est ça, c'est encore une référence qui est un dialogue entre deux personnages avec la fameuse phrase « Go for a ride ». Donc, c'est ça. Les gens qui connaissent les films vont peut-être mieux se retrouver que nous autres, ouais, mais moi, il y a des affaires que je suis comme « OK, c'est, je le... » On est dans la minorité en tant que pas fan de films. Ouais, c'est ça. Ça, c'est le problème un peu. J'essaie de corriger ça tranquillement. Je sais pas du tout. Ah non, OK. Non, je sais que si je commence à m'embarquer là-dedans, je vais vouloir toutes les voir. Ouais, c'est vrai, il faut choisir ses passe-temps. On peut pas se forcer à aimer quelque chose. Non, c'est sûr. Mais ouais. Moi, c'est, vu que j'aime ça, je suis capable de trouver un petit peu de temps en temps pour écouter un film à l'occasion que j'ai pas vu un classique. Là. Il devrait commencer à faire ça sur Twitch, regarder des films à la place de jouer à des jeux vidéo. Ouais, mais des fois, ils passent des films sur Twitch. Ah oui. C'est super illégal. Tu peux regarder quelqu'un regarder un film. Waouh! Pour vrai, je pensais vraiment amener une idée qui avait pas été faite. Ah, waouh! Non, effectivement. Non, mais je pense que c'est des partenariats parce que c'est pas. Sinon, effectivement, ça ne marche pas. Drôle d'idée. C'est ça. Ensuite, dans Barn Boys, donc on a une référence aux Looney Tunes. On connaît ça, par exemple. Yeah. Donc, c'est Jack qui parle à la manière du personnage Foghorn Leghorn. Je vais le prononcer comme du monde. Là. Donc, c'est ça. Ensuite, on a une référence à Monty Python's The Meaning of Life. Ça, c'est cool. La troupe britannique humoristique. Ouais, c'est ça. Je lis ici. Juste le. Monty Python, Sacré Graal, et Monty Python, le sens de la vie. Ouais. C'est ce que j'ai ici. Là. Ouais. Je me suis sorti la liste pour avoir des traductions français-anglais des titres de films là, quand je suis capable de le dire. Là. Donc, c'est ça. Donc, c'est juste Marvin qui explose à cause d'une surchauffe. Ouais. Petite référence. On a une référence à Terminator. Ouais. Donc, très simple, un robot qui se comporte comme les robots dans Terminator. Petite référence subtile. C'est pas documentaire, ça, Terminator? Non. Non, c'est pas grave. Juste sur Facebook. Hier. Ouais, c'est ça. Ouais. Ensuite, Bat's Tower. Donc, on a une référence à Jaws. Donc, c'est tout simplement une cinématique qui fait référence au film. Donc, encore une fois, avec le requin qui tourne autour. Mm-hmm. Donc, c'est ça. Pas très compliqué ici. J'ai le Slow-prano. Je vais le dire comme du monde. Donc, Jaws. Donc, c'est en fait The Great Mighty Pooh quand il réussit à pogner une créature et à l'amener. Donc, encore une fois, c'est, il l'amène à la manière de Jaws. Ouais. Ouais, c'est ça. Même principe. Et on a le magicien d'Oz. Donc, à la fin de Great Mighty Pooh qui est flushé. Qui part en tourbillon. Donc, c'est ça. Ils ont recréé une scène mythique. On a Ooga Booga. Donc ça, il y a une référence au Indiana Jones Raider of the Lost Ark. Donc, c'est... OK, c'est ça, c'est quand avec la roche. Oui, le classique. Ouais, c'est ça. Je cherchais c'était quelle la scène. Parce qu'il y a des fois, le texte est ça de long, mais j'essaie de juste trouver le mot-clé qui est la référence du film. Ça va bien dans ce temps-là. Aussi, le film Eyes Wide Shut. Donc, c'est le mot de passe pour rentrer dans le club. C'est ça, c'est Eyes Wide Shut. Ok, le mot de passe du... Ok, ouais, je comprends. Ouais, c'est ça. Ouais. Ils ont repris le... The Untouchables. Donc, encore une fois, après le club, c'est la scène avec Don Weasels. Donc, encore une référence à ça. Il y a une référence au film Gladiateur. Donc, avec le combat dans l'arène. Mm-hmm. Encore là, ça vient de là. Il y a une référence à Jurassic Park. Donc, quand le dinosaure, il mange l'homme des cavernes, ben c'est comme dans le premier film de Jurassic Park, de la manière qu'il prend. Okay. Ouais, c'est ça. Donc, il a recréé cette scène cocasse-là du film. C'était supposé être tragique, mais on trouve tout ça drôle de la manière que... Ben si, c'est... Ouais, ça peut être humoristique, parce qu'en même temps, si ça avait été dramatique, ça aurait été un calque complet de l'original. Faut changer un petit peu pour que ce soit une référence le fun et non pas juste copier-coller de l'original. Effectivement, c'est sûr. Sinon, je t'ai rendu... Ok, après Jurassic Park. C'était juste Jurassic stationné, là. C'était Jurassic parké. Ouh. C'est... Ouh. Ouais. Je l'ai pas aujourd'hui. C'est correct. Point, point, coucou! Ensuite, dans le niveau spooky. Donc, on a une référence à Scream, donc le visage de fantôme qu'il y a dans la rivière. C'est une référence directe à ce film-là. Mm-hmm. On a Bram Stoker's Dracula. Donc, évidemment, ça se passe dans un manoir où il y a un vampire, tout ça. Donc, évidemment, référence directe. Ensuite, on a Monty Python and the Holy Grail. Donc, le dialogue du conte Batula. Faut que je le dise en français. Ouais, je pense qu'il n'a pas traduit les noms des personnages, quand même. Ben non, mais ça, c'est parce que c'est Count Batula, ouais. Mais en français, c'est un conte. Ah, d'accord. Le conte de Monte Cristo. Oui, bien sûr. The Count of Monte Cristo. C'est ça. Donc, il fallait au moins que je traduise le titre. Ça aurait pu être autre chose que Batula, parce que, tu sais, l'homme araignée, Spider-Man, c'est des fois on traduit en français. Exagère pas, on dit Spider-Man. Non. OK. Pas sûr. Ensuite, le segment It's War. Eh bien, ça, on s'adresse, ça commence avec le débarquement de Normandie. Ouais. On va s'entendre que c'est pas mal Saving Private Ryan. Hein? Faut sauver ça de Ryan. Ouais. C'est difficile de passer à côté de celui-là. Ensuite, Indiana Jones and the Last Crusade. Donc, c'est encore une fois, c'est juste une quote qui est « Titties, I hate these guys ». Bon, c'est... comment qu'il disait ça? OK, j'ai la ligne aussi d'Indiana Jones. « Nazis, I hate these guys mm-hmm. ». Ils ont juste changé, là. Ah oui, Teddy's, parce que c'est vrai, c'est des oursons. Ah, d'accord. C'est ça, on va à la guerre contre des oursons. Et ça sent pareil, Nazis, Teddy's. Oui, c'est ça. J'essaie de me rappeler dans ma tête, c'était quoi? C'était qui déjà qu'on combattait dans cette guerre-là? Ils ont aussi une référence de l'exorcisme. Donc, la fameuse fille qui a sa tête à tourne. Ben oui. Classique. Apocalypse Now. Donc, c'est tout simplement quand que la guerre est finie. Donc, le sergent qui dit « The horror ». Ah. C'est ça. Kill Bill. Oui, il y a un massacre avec les oursons. Ah, oh. Ouais, c'est ça. Pas mal, ouais. Dans le fond, c'est le thème principal de Kill Bill qui joue à ce moment-là. Back to the Future. Donc, le colonel qui utilise... il utilise des trucs similaires à Marty McFly. C'est ça, tout simplement. Ensuite, on a la partie East. Donc, on a évidemment une référence à la Matrice avec Conker avec Bullet sa veste, time, ses lunettes qui évitent ouais. les balles. Ça, c'est assez direct. Return of the Jedi, donc le retour du Jedi. Ça, c'était. Peut-être. Ouais, on aime la trame sonore. Mais oui, mais c'est correct, j'essaie de voir c'est quoi la référence. Je voulais mentionner d'ailleurs, pendant que tu cherches, que la trame sonore de Conker's Bad Fur Day est par Robin Beanland. Ouais. Ceux qui trouvent que ça ressemble énormément à Banjo-Kazooie, sachez que Banjo-Kazooie, c'était Grant Kirkhope. Donc, c'est vraiment juste, ça sonne similaire vraiment beaucoup. J'imagine qu'ils ont cherché Robin Beanland ou encore que les deux travaillaient ensemble. Faudrait faire une recherche là-dessus, mais c'est vraiment proche de ce que Banjo-Kazooie avait effectivement. Comme musique. Bon, je l'ai. Donc, bon. C'est ça, c'est que quand que Luke Skywalker rencontre l'empereur Palpatine, mm-hmm. qui est assis sur son trône, dans l'étoile de la mort, oui. Et ben ils ont recréé le même trône. Okay. C'était juste ça. Bon. Mais j'essaie de voir c'était quoi le lien, mais c'est parce que j'avais passé par-dessus le mot trône, le mot clé là, que je disais. Là. Comment peux-tu sauter par-dessus le mot trône? On a de la misère sur Twitter, Facebook à éviter les spoilers de Game of Thrones. Effectivement. Il y a le mot trône partout. Ah, c'est un défi incroyable. Ouais, moi, ça n'a pas marché. Je suis en retard de comment 5-6 saisons. C'est-à-dire ouais, mais c'est ça. Moi, je suis en retard de 2 épisodes. Ouais, puis je sais déjà qu'est-ce qui s'est passé avec tel personnage. Ouais, c'est ça. Moi, j'ai réussi à hésiter un petit peu, mais malheureusement, c'est trop difficile. Ouais. Ensuite, référence à Aliens. Donc, la fameuse citation de Sigourney Weaver, Get away from her, you bitch. Pulp Fiction. C'est aussi un grand classique du cinéma que je n'ai pas vu. Sérieusement, je regarde tous les titres, les classiques que j'ai pas vus, je me dis « ouch ». Mais bon, c'est vrai qu'au moins, j'ai vu La Matrice, Back to the Future et Star Wars. Bon, je me dis qu'au moins, c'est ça, j'ai une certaine base. Et non, je n'écouterai pas The Exorcist. t'es pas peureux, hein, comme moi. Non, je vois juste pas la pertinence d'un film comme ça. Comment? Les films d'horreur me font même pas faire le saut. Non, mais y a pas juste ça. Mais je trouve ça impertinent. Y a un scénario autour, j'imagine. Ouais, effectivement, c'est pas comme un film d'horreur classique où c'est juste de faire le saut au monde. Ouais. Ça, je trouve ça impertinent. Au moins. Ouais, c'est ça. J'adore les bruits de pète qu'on entend. En effet. Ouais, c'est ça. C'est digne de Rareware. Dans le bon sens. C'est ça. Donc, la référence à Pulp Fiction, c'est qu'il y a un moment donné, Conker se fait donner une grande variété de. Ben, un choix avec une grande variété d'armes. Ça fait référence à une scène du film. Ensuite, on a American Beauty. Donc ça, c'est Conker qui appelle le barman, tout simplement. Il dit « Cowboy ». Puis « Can you pour me more of my... » Comment il dit ça? OK. Can you pour more in my glass? Peux-tu m'en verser plus dans mon verre? Ouais, c'est ça. Parce que de la manière qu'ils l'ont formulé, c'est qu'ils se mettent à la place du... Ah, non, ouais, c'est Conker qui dit ça. Ah. En tout cas, c'est pas grave, j'ai réussi à le dire. Le temps de l'écriture, c'est pas donné à tout le monde. Ouais, c'est ça. Dans le multijoueur, il y a des références à Reservoir Dogs. En fait, c'est quand que il dit... quand tu as plusieurs personnages, il va dire Commander Red, Commander Blue, avec les couleurs... Mm-hmm. Donc ça, c'est référence à ça. On a Willy Wonka and the Chocolate Factory. Donc c'est ça. Donc c'est en multijoueur, les Teddies qui chantent Oompa Loompa. C'est ça. On a des références avec Star Wars. Donc ça, c'est tout simplement qu'on va avoir des parodies un petit peu comme avec le Millennium Falcon. Une planète qui ressemble à Tatooine ou R2-D2 qu'on peut percevoir. Tu sais, des trucs comme ça, là. Mais je préfère tellement les parodies et les allusions comme ça par rapport à juste des calques, comme je disais tantôt. Là, juste refaire la scène pareil comme dans l'original, c'est paresseux, je trouve. Ouais, faire des parodies et des allusions, je trouve ça plus cool. Effectivement. Je suis rabat-joint. Ouais, mais c'est correct. Ouais. T'as le droit. Donc, c'est ça. Sinon, on a... par rapport au jeu, des petites choses qui arrivent comme ça, on a From Dusk Till Dawn. Donc ça, c'est quand que... Attends un petit peu. Quand que t'es pour avoir une pile d'argent, mais comme Kirk, il dit « I'm gonna get tanked tonight ». C'est ça. Who wants to be a millionaire? Dans le fond, Conker, quand il y a de l'argent, ben, ses yeux, ils spinent puis ça arrête sur des logos d'argent. Ah. C'est ça, donc un petit peu référence au logo de Want to Be a Millionaire. De ce quiz télé. Ouais, c'est ça. On a une référence à Terminator, encore une fois. Donc, c'est en fait, c'est une phrase de Arnold Schwarzenegger. Donc, ils disent « Buff you, asshole » au lieu de la phrase mythique d'Arnold Schwarzenegger qui est « Fuck you, asshole ». Donc, c'est ça. Il y a toutes des petites références comme ça. C'est assez vulgaire, celle-là, je trouve. Et comme j'ai dit, en anglais, ça compte pas. On a le droit de dire en nom. C'est une citation de toute façon. Aussi. Hein, c'est ça. C'est pas moi qui passe sur une collègue qui commence à dire des grossièretés en nom. On regarde ça pour le jeudi matin. Oh! Je fais même pas ça! C'est des blagues! J'avais pas le choix, elle était trop facile. Et tu sais, moi, ma spécialité, c'est quoi? Des gags faciles. Effectivement, merci de faire la pub pour mon émission. Hashtag jeudi 9h30. Ouais, c'est ça. On faisait ça avec un truc Sébastien Guertin. On faisait hashtag jeudi 13h pour son émission. Oui. Et là, comme il n'y a plus lieu sur l'émission, ben, on va transférer ce hashtag-là à toi. Bon, jeudi 9h. C'est ça, hein. Je suis le bouche-trou de service, non? Ben, avant, c'est lui qui t'a. Au début, c'était toi. Après ça, lui, comme il t'a pris la place parce qu'il a commencé à être actif à la radio quasiment plus que toi. Okay. Puis là, ben, il s'en va, fait que là, c'est toi qui arrive. Ah. Chacun son moment de gloire où c'est ils ça, sont partout dire. Dans la grille horaire de ces fous. Partout. On a tartiné ça. Là. Ouais, c'est ça. Ouais. De toute beauté. On va t'aider un peu à la fin. Ben oui. En fait, c'est tout. j'aimerais ça qu'en terminant, je t'ai envoyé un lien YouTube et j'ai mentionné tantôt le Great Mighty Poop. Mm-hmm. Pourquoi est-ce qu'on ne se laisse pas avec cette chanson mythique qui traverse l'histoire de la musique des jeux vidéo? Excellent, on va faire ça, on va se quitter là-dessus, mais pour l'instant, on va quand même te remercier. On va t'écouter les jeudi matin à 9h30. Oui. Pour Génie en Liberté, on vient de mettre la nouvelle programmation d'été sur le cifou.ca. Donc, ta rediffusion est là. Pour l'instant, on va voir si ça change. Là, c'est encore en fluide constant. Samedi matin à 9h. Okay. En ce moment. Donc, écoutez ça. Et puis merci sinon, de m'apprendre mon horaire. Ouais, c'est ça. C'est depuis hier soir sur le site web et c'est vraiment très, très provisoire, sachez-le. Il y a aussi le mardi à 19h à l'émission Réanimation qui. qui... ça, il n'y a plus de reprise, ça. Eh boy, ça change constamment. C'est donc les mardis à 19h. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Non, pas pour l'instant. Non, non. Ben, il y a Matière Noire à 21h le mardi. Ah, excuse-moi, j'ai dit l'animation. Ouais, t'as dit réanimation. Ouais. Ah, excuse-moi, c'est Matière Noire 21h le... Oui, c'est ça, exact. C'est pour ça que je cherchais à la diffusion. Donc, tout est beau. Mardi à 21h et puis les vendredis en fin de soirée. Donc, cif.ca pour l'horaire. Merci encore. Ça fait plaisir. À dans deux semaines. Beaucoup de choses à retenir. Oui, à dans deux semaines au Mathieu Plante Show. Ça, on n'oublie certainement pas ça. On se quitte avec The Great Mighty Poussin au Mathieu Plante Show. The great mighty poo, and I'm going to throw my shit at you. A huge supply of tish comes from my chocolate starfish. How about some scat, you little twat? Do you really think you'll survive in here? You don't seem to know which creek you're in. Sweet corn is the only thing that makes it through my rear. How do you think I keep this lovely grin? Now I'm really getting rather mad. You're like a niggly, tickly, shitty little tag nut. When I've knocked you out with all my bab, I'm going to take your head and ram it up my butt. Your butt. My butt. Your butt. That's right, my butt. Ugh. My butt. Ugh. My butt. Ah, you cursed squirrel! Look what you've done! I'm blushing! I'm blushing! Oh, what a world! What a world! Who'd have thought a good little squirrel like you could destroy my beautiful flagginess? Oh, I'm going! Oh! Ah! No! Ah! Now that's what I call a bowel movement. Vous êtes assez perdu pour l'écouter. 89.1. Okay, mach mal den Bass jetzt. Wunderbar. Läuft. Percussion? Funktioniert. Ein Traum. Thank you. The Kling Ding avec la pièce Gamepad Song. C'est quand même assez spécial, si vous voulez entendre. En fait, c'est, vous pouvez le voir dans la vidéo sur assemblagerequis.com, mais c'est quatre gars avec des manettes branchées dans un iPad ou peu importe, là, et qui font la musique des jeux en temps réel avec des manettes. Donc, chaque bouton de la manette représente une note différente et chaque manette en tant que telle représente un instrument différent. Donc, c'est pour ça qu'on entendait les trucs se passer. Allez voir ça, c'est vraiment très impressionnant. The Kling Ding sur YouTube, bien sûr, et le lien sur assemblagerequis.com. Maintenant, au Mathieu Planchot, et ben c'est le moment de parler de télévision, hein? Donc voici la chronique, ça tombe bien, Television, Television! C'est Television, la chronique qui parle des nouvelles télévisuelles depuis les 7 derniers jours. On commence par le Québec. Mike Ward, ça vient de tomber aujourd'hui, ça, pour ceux qui écoutent en direct le mercredi, aura sa propre émission de variété sur Télétoon la nuit. Donc, Mike Ward et son humour corrosif s'apprêtent à envahir les ondes de Télétoon la nuit avec une émission de variété. Dès le 12 septembre, le Mike Ward Show sera diffusé en fin de soirée. Les admirateurs de l'artiste de 42 ans ne devraient pas être dépaysés par sa nouvelle offrande. Sans surprise, elle est destinée, tout comme ses blagues, à des adultes avertis. On y retrouvera des sketchs, des numéros de stand-up et des dessins animés. On pourra également entendre des prestations musicales d'artistes émergents. Ça ressemble énormément à la formule de son émission qu'il avait à Musique Plus l'année dernière. De nombreux collaborateurs et invités doivent venir épauler Mike Ward. Les noms d'Edgar Fruitier et des anciens Chicken Swell, Daniel Grenier et Justin Dufresne ont été dévoilés déjà. L'émission sera enregistrée devant public au Théâtre Plaza à Montréal. Encore une fois, ça ressemble énormément à son ancienne formule. Chaque semaine, 4 rendez-vous dans un format de 30 minutes seront proposés. Pareil comme l'autre émission, qui va être diffusée du lundi au jeudi en fin de soirée. Pareil. La programmation de la chaîne Télétoon la nuit comprend entre autres Les Grandes Gueules s'animent, Au pays des têtes à claques, Les Simpsons et South Park. Quand il n'est pas sur scène pour livrer des numéros d'humour dans des galas ou offrir des prestations de ses one-man shows, Mike Ward anime des plateaux à la télévision. Les téléspectateurs de Musique Plus l'ont vu dans deux émissions mêlant humour et vidéo, Cryptoman et ce show avec Mike Ward. Sur le web, son podcast s'appelle Sous Écoute et dispose maintenant de plus de 60 épisodes. Voilà pour Mike Ward, ça va être le Mike Ward Show cet automne à Télétoon. Ensuite, Marie-Soleil Michon quitte C'est juste de la TV. Oui, elle ne sera pas de la 10e saison de l'émission cet automne à ICI RTV. L'animatrice souhaite se consacrer à d'autres projets. Elle avait succédé à André Robitaille à l'automne 2013. Il s'agit d'une grosse perte pour l'émission qui attire chaque vendredi soir en moyenne 80 000 fidèles. Plusieurs se sont étonnés que Marie-Soleil Michon n'annonce pas le retour à l'automne de C'est juste de la TV, n'annonce pas son retour à la fin du gala des Zapettes d'or le 15 avril dernier, alors que c'était la coutume de le faire à cette occasion-là. On a appris donc par la suite que ICI RTV souhaitait renouveler l'émission, mais en adoptant une nouvelle formule. Ils vont couper le tiers de l'émission. C'était passé il y a un certain temps de 60 minutes à 90 minutes, et on revient à 60 minutes. On va enlever ce qu'on avait ajouté pendant cette demi-heure-là, donc les chroniqueurs et les différents quiz qu'il y avait dans l'émission, quand on avait ajouté une demi-heure. Les producteurs venaient à peine donc de remanier le concept. C'était l'automne dernier. Ensuite, toujours au Québec et toujours dans les nouvelles de gens qui quittent des endroits, Pierre Craig quitte Radio-Canada. À la barre de l'émission La Facture depuis 13 ans, l'animateur et journaliste Pierre Craig quitte Radio-Canada. Monsieur Craig, 64 ans, en a fait l'annonce à ses collègues et ses patrons. Les raisons étaient pas connues à ce moment-là. On a parlé qu'il n'y avait pas la même, comment dire, façon de penser par rapport à l'émission. Donc, c'est une question de principe, a-t-il dit. Le principal intéressé a tenu à adresser quelques mots à son public par entremise d'une lettre envoyée aux médias. Je cite, « Me séparer de vous n'est pas facile. Durant 13 ans, lors de nos rencontres sur la rue ou dans tous les espaces publics, vous m'avez fait l'honneur de me compter parmi vos familiers. Luttez pour obtenir justice parce que vous en valez la peine, et si ce combat vous semble parfois au-dessus de vos forces, parlez à un ou à une journaliste. Mes collègues de tous les médias sont toujours là avec toute leur passion et toute leur détermination à trouver la vérité. Vous êtes entre bonnes mains entre eux. » Avec eux, pardon. L'émission La Facture donc va rester à l'antenne avec un nouvel animateur. On se rappelle que Pierre Craig, c'était pas le premier, c'était Gilles Goujon à l'époque, à la base. Rappelons donc que Pierre Craig a été hospitalisé l'an dernier après avoir été victime d'un infarctus. Il avait par la suite quitté la présidence de la Fédération professionnelle des journalistes du Québec, qu'il dirigeait depuis 2013. Monsieur Craig avait ensuite repris graduellement ses activités au sein de l'émission La Facture. Toutefois, le départ de Pierre Craig n'aurait rien à voir avec son état de santé. Toujours chez les gens qui quittent, c'est Christian Bégin qui a quitté les échangistes après une seule participation. Oui, il a quitté l'équipe. Je cite, comme il n'était pas à l'aise dans le rôle de collaborateur, il a préféré partir. C'est ce qu'a dit Éric Salvaille, le producteur de l'émission. C'est le deuxième nom à disparaître de la liste de collaborateurs de Penelope McQuaid, en plus de celui de l'humoriste Fred Dubé, qui lui a été remercié, donc qui n'est pas parti de son propre gré. Christian Bégin a annoncé comme régulier n'aura pris part qu'à une seule émission, l'émission du 11 avril, aux côtés de René-Claude Brazeau. Il a dansé un slow avec Lise Dion, tout en lui posant des questions. Et il se peut qu'un nouveau collaborateur s'ajoute à l'équipe très prochainement. Évidemment, on ne sait pas si c'est lui qui avait pris la décision de danser un slow avec Lise Dion. C'est peut-être qu'on lui avait imposé ça, puis il s'est dit « Ah, je mérite mieux que ça ». Maintenant, toujours chez les gens qui doivent partir, mais contre leur gré, et ça vient de tomber, ça aussi, c'était ce matin. Évidemment, ça, tout le monde en parle en ce moment, mais quand même, comme ça vient d'arriver, glissons-en un mot. Papa, hein, et son fidèle complice Pogo ne pourront plus faire rire les téléspectateurs, ceux qui l'écoutaient le vendredi soir à ICI Radio-Canada Télé. L'aventure du Team Show qui prend fin après la diffusion de 26 épisodes sur deux saisons. C'est M. Aimé Paré lui-même qui en a fait l'annonce sur sa page Facebook. Le principal hier soir, ça c'était... Hier après-midi, je m'excuse. Le principal intéressé pense savoir pourquoi son rendez-vous en soirée n'a pas été reconduit. Il dit que c'était pas assez culturel. Hein? Évidemment, après la grosse controverse avec... c'était qui ça? Qui paraît que c'était pas assez culturel. Eh boy. Même avec des codes d'écoute de plus de 500 000 téléspectateurs en moyenne chaque semaine, la première saison qui avait attiré plus de 700 000 curieux, Timmy et Pogo se sont vus privés du droit de mener d'autres entrevues avec les vedettes du milieu artistique québécois. Évidemment, c'est pas un droit. C'est quand même une... C'est quand même une job qu'on donne. En avril, le talk show humoristique Timmy Show avait reçu le prix spécial mais peu flatteur du réparateur lors des appels d'or, un trophée décerné par le public de l'équipe de ses... Le public? De l'équipe de C'est juste de la télé. C'est donc une autre émission que Claude Meunier perd peu de temps après son lancement. Créée en 2013, la comédie Adam et Ève mettant en scène Pierre-François Legendre et Sophie Cadieux n'avaient eu droit qu'à une seule saison sur Radio-Canada. Au début de 2005, c'était la comédie policière satirique Detect Inc. avec Claude Meunier et Gilbert Sicotte qui avaient rapidement été victimes de la guillotine. Seuls 8 épisodes avaient été diffusés par la chaîne publique et chaque fois, évidemment, les critiques sont désastreuses. Mais Radio-Canada continue de lui donner des projets. Je sais pas, on n'apprend pas des erreurs dans la vie, on dirait. Bref. Le nom ne me revient toujours pas du gars qui avait dit que ça manquait de culturel. C'est trop, j'ai trop le nom sur le bout de la langue, là, vous le savez autant à la maison. Bref, remplissez le vide ici de mon silence par votre propre tête qui dit le nom. Maintenant, grosse affaire quand même, et je parle rarement de sujets aussi mainstream et people que tout ça, et deux affaires de même de suite, là, mais Julie Snyder qui a pu regarder elle-même son entrevue avant la diffusion de Tout le monde en parle dimanche passé. Donc, je cite ici un article de showbiz.net. C'est en fait le journaliste Richard Terrier du Soleil qui a appris en exclusivité que Julie Snyder a eu le privilège de pouvoir visionner son entrevue, tout le monde en parle, avant qu'elle soit diffusée le dimanche suivant. Comme le précise le journaliste dans son article, cette condition a été instaurée afin de ne pas nuire au processus de médiation que l'animatrice du banquier a récemment entamé avec son ex-mari Pierre-Carl Péladeau, qui s'est récemment retiré de son projet politique pour passer davantage de temps avec ses enfants. Pour plus d'informations, demain, 9h30, jeudi matin, avec Samuel Girard. Après avoir visionné l'entrevue en question, Snyder se serait dit satisfaite du montage et n'aurait exigé aucun changement. Guillaume Lepage a toujours le dernier mot, dit-il, sur le montage final des entrevues de ses invités à Tout le monde en parle. C'est d'ailleurs l'un des éléments qui a refroidi beaucoup de personnalités publiques qui ont jusque-là refusé de participer à l'émission. Parmi celles qui n'ont jamais accepté l'offre de Guillaume Lepage, on compte entre autres l'ancien premier ministre du Canada, Stephen Harper, l'ex-chef de l'opposition, Pierre-Carl Péladeau, l'auteur Fabienne Larouche, l'humoriste Jean-Marc Parent, le maire de Saguenay, Jean Tremblay, et la femme d'État, Michaël Jean. Guillaume Lepage, rejoint par Richard Terrien, a tout de même précisé que c'est pas la première fois qu'un invité a eu la permission exceptionnelle de visionner son entrevue avant sa diffusion. Par contre, il dit qu'il voulait pas divulguer l'identité de ceux-ci. Maintenant, toujours au Québec, en fait, on va dans les quiz télévisés, les trésors des marchés aux puces dans un nouveau jeu télé. Pour sa première incursion dans l'univers des jeux télévisés, Historia partira à la recherche de trouvailles dans les marchés aux puces. Dès cet automne, Tammy Verge animera donc la course au trésor d'Historia sur les ondes de la chaîne spécialisée. Les participants devront récolter des objets anciens, curieux ou précieux, posés pêle-mêle dans des kiosques. Seuls ou en duo, ils auront la chance de mettre la main sur un montant de 1000$ à chacun des épisodes, apprend-on par communiqué. Ça me fait vraiment penser à l'épicerie en folie. Comme principe, je trouve ça cool, je mets beaucoup à l'épicerie en folie. Patrick Blaisel, qu'on décrit comme un expert en canteur, foulera également le plateau de l'émission. Le tournage aura lieu cet été. Les inscriptions sont possibles sur le site d'Historia, historiatv.com, jusqu'au 23 juin. En plus d'une émission de jeu, Historia prépare actuellement une télé-réalité intitulée Le lot du diable, dans lequel hommes et femmes devront bâtir un village de colonies en un mois. Ils seront ainsi plongés dans le Québec d'il y a 100 ans. Des émissions quand même intéressantes. Ça va être offert ça l'hiver prochain. Maintenant, des prix Michener pour Enquête et La Presse canadienne. En fait, ils sont finalistes. La Presse canadienne et l'émission Enquête de Radio-Canada sont au nombre des 6 finalistes pour le prestigieux prix Michener du journalisme cette année. Les autres finalistes sont du Globe and Mail, de la CBC, du Toronto Star et du Telegraph Journal de Saint-Jean au Nouveau-Brunswick. Le prix a été créé en 1970 par le gouverneur général de l'époque, Roland Michener, pour reconnaître l'excellence et l'impartialité en journalisme d'intérêt public. Le prix Michener est présenté aux médias plutôt qu'aux individus pour des reportages qui provoquent souvent des changements tangibles dans la société. La Presse canadienne, l'agence de presse nationale, est finaliste pour une série d'articles signés Chintapuxli du bureau de Winnipeg sur les graves problèmes d'eau potable dans la réserve autochtone isolée de Shoal Lake 40 au Manitoba. Radio-Canada est finaliste pour le travail très remarqué de la journaliste Josée Dupuis de l'équipe d'enquête sur les présumées agressions sexuelles subies par des femmes autochtones aux mains de policiers de la Sûreté du Québec à Val-d'Or en Abitibi. La CBC, le Globe and Mail et le Toronto Star ont été salués pour leur reportage conjugué sur les femmes autochtones disparues et assassinées au Canada. Une série du Globe and Mail sur le processus d'appel d'offres pour l'agrandissement de l'hôpital Saint-Michael de Toronto a aussi été remarquée, tout comme l'enquête du Toronto Star qui a découvert que la police conserve fréquemment des dossiers n'étant reliés à aucune condamnation sur des citoyens et en informe les employeurs, agences de bénévolat, écoles et autres organisations qui le demandent. Le Telegraph Journal, quant à lui, a publié une série sur les lacunes dans les inspections des garderies de Saint-Jean, ce qui a ensuite poussé le gouvernement du Nouveau-Brunswick à embaucher plus d'inspecteurs et à améliorer les pratiques de contrôle. Le lauréat du prix Michener sera annoncé lors d'une soirée présidée par le gouverneur général actuel David Johnston le 17 juin à Rideau Hall. On remettra aussi à cette occasion deux bourses Michener Deakin pour le journalisme d'enquête et pour l'éducation en journalisme. Voilà un article de La Presse canadienne. On va aux États-Unis maintenant avec un 24 heures chrono avec de nouveaux personnages en développement chez Fox. A-t-on trop étiré la sauce, nous demande l'article de showbiz.net. Est-ce qu'après 8 saisons avec Jack Bauer, le concept n'a pas été suffisamment mis à profit? En fait, il n'y a jamais trop de raison. Pour faire de l'argent chez Fox. Et pas mal partout, en fait. Fox semble croire que ce concept datant de 2001 a encore beaucoup à offrir, puisqu'il développe en ce moment une nouvelle mouture avec de nouveaux personnages intitulés 24 Legacy. Kiefer Sutherland, qui interprétait le héros de la franchise originale, agira à titre de producteur exécutif, mais ne reprendra pas son rôle de Jack Bauer à l'écran. Ce dernier mise désormais davantage sur sa carrière musicale. Corey Hawkins, qui interprétait Dr. Dre dans le film Straight Outta Compton, Miranda Otto, qu'on a pu voir dans la série Homeland, ainsi que Jimmy Smith de Sons of Anarchy et Star Wars épisode 2, personnifieront les protagonistes. Les auteurs de la série originale, Manny Cotto et Evan Katz, rédigeront les textes de la nouvelle mouture et Stephen Hopkins en sera le réalisateur. 24 Legacy dépeindra l'histoire d'un héros militaire, Eric Carter, joué par Hawkins, qui revient aux États-Unis avec une foule de problèmes et des criminels à ses trousses. N'ayant nulle part où aller, l'homme demande à la CTU de l'aider à sauver sa vie, tout en empêchant l'un des attentats terroristes les plus importants en sol américain de tous les temps. Comme 24 Live Another Day, la mini-série de 2014 mettant en vedette Jack Bauer, 24 Legacy s'étendra sur 12 épisodes au lieu de 24, comme c'est le cas pour les 8 saisons précédentes. Sylvester Stallone, bientôt star d'une série télé. L'acteur va bientôt faire ses débuts dans une série pour la télé. L'interprète de Rocky participe à l'adaptation pour le petit écran du roman Omerta de Mario Puzo. C'est Antoine Fuqua, réalisateur de Jours de formation, qui développe ce projet actuellement. Dans lequel apparaîtra Sylvester Stallone pour la première fois dans une série. Pour le moment, aucune chaîne de télé n'a encore mis la main sur ce projet qui s'annonce très demandé. Omerta de Mario Puzo, c'est le troisième livre de la trilogie de la mafia par l'auteur du Parrain. Le scénario de l'épisode pilote est déjà prêt, ainsi qu'une équipe de scénaristes pour débuter le travail sur les éventuels prochains épisodes. Il reste à choisir maintenant le reste de la distribution et notamment l'actrice qui comprend le personnage principal féminin donnant la réplique à Sly. Oprah Winfrey dans un téléfilm à HBO. La célèbre animatrice de télé Oprah Winfrey jouera dans The Immortal Life of Henrietta Lacks, un téléfilm que prépare HBO. Chaîne de prestigieux téléfilms, HBO retracera la vie de Henrietta Lacks, une afro-américaine morte en 1951 d'une tumeur cancéreuse. Ses cellules prélevées sans son accord ou celui de sa famille ont servi à de nombreuses recherches médicales à travers le monde et ont permis de mettre au point notamment le vaccin contre la poliomyélite. Oprah Winfrey incarnera sa fille, Deborah Lacks, la narratrice de cette histoire. C'est elle qui expliquera aux téléspectateurs l'incroyable histoire de sa mère qu'elle n'a connue que 2 ans. L'animatrice produira le téléfilm aux côtés de Alan Ball, le créateur de True Blood. Le tournage débutera cet été sous la direction de George C. Wolfe. ABC raccourcit la prochaine saison de Scandale. La 6e saison comportera seulement 13 épisodes en raison de la grossesse de son actrice principale, Kerry Washington, selon TVLine.com. La prochaine salve sera donc plus courte que les précédentes. ABC a pris la décision de commander seulement 16 épisodes contre 22 habituellement afin d'aider son tournage à la vie privée de sa star. Celle qui incarne l'héroïne Olivia Pope attend en effet son deuxième enfant et ne pourra pas tourner une saison complète. La chaîne devrait par ailleurs repousser l'arrivée de cette sixième saison à la mi-saison, soit au début de 2017, alors que la série revient habituellement à l'automne. Scandal avait déjà fait le choix de se raccourcir une saison, sa troisième, lors de la première grossesse de Kerry Washington en 2014. Toujours aux États-Unis, Peanuts reviendra sur les écrans américains sur Boomerang. Charlie Brown, Snoopy et le reste de la gang de Peanuts par Charles Schulz reviendra donc sur les ondes américaines dans une série de vignettes animées qui vont jouer sur la chaîne Boomerang de Time Warner à partir du 9 mai. Boomerang, c'est l'équivalent de Télétoon Rétro à l'époque. Hein, feu Télétoon Rétro. Les nouveaux épisodes vont être diffusés chaque jour à 11h30 du matin, avec évidemment d'autres cases horaires éventuelles. Ça viendra pas des gens qui ont fait les classiques It's the Great Pumpkin Charlie Brown ou A Charlie Brown Christmas, mais plutôt Normal Animation en France, qui opère sous licence de Peanuts Worldwide LLC. Les dessins animés ont commencé à être diffusés à Outre-mer en 2014, avant le début du film qu'on a vu en cinéma avec Sally Linus, Peppermint Paris et les autres, film qui date de 2015. L'unité de diffusion de Time Warner va révéler un avant-goût de Peanuts sur Cartoon Network le 9 mai. Prochain à 10h30, heure de l'Est. Il va y avoir ensuite les vidéos, les clips sur l'application vidéo de Boomerang. C'est fait avec des styles de... C'est comme des couleurs un peu peinture à l'eau, avec des arrière-plans texturisés qui vont essayer de faire plaisir, oui, aux fans de la version classique ainsi qu'aux nouveaux fans. Voilà. Article que je traduis comme ça et que j'avais pas lu à l'avance. Parlant de retour, Lizzie McGuire et Hannah Montana qui vont revenir sur Freeform, ça c'est l'équivalent de ce qu'on appelle au Canada ABC Spark. Ça va être un événement de programmation throwback, donc retour en arrière, un petit peu nostalgique pour Freeform. Donc on va ramener des épisodes back-to-back d'anciennes émissions de Disney Channel. Ça ne me surprend pas que ce soit pas Disney Channel qui les ramène. Ils vont aussi ramener des Disney Channel Original Movies dans les petites heures du matin. Donc du lundi au jeudi, sur la version américaine pendant le mois de mai, Lizzie McGuire va être diffusée de midi à midi 30. Non, pardon, de minuit à minuit 30. That's So Raven de minuit 30 à 1h du matin. Hannah Montana de 1h à 1h30 du matin. Et la version animée de Kim Possible de 1h30 à 2h du matin. Je sais pas pourquoi j'ai dit version animée parce qu'il y a juste une version animée. Mais bon, donc le dessin animé, Kim Possible. C'est pas mal ça. Pour les films, les vendredis soirs à minuit, il va y avoir entre autres Twitches, Get a Clue, Stuck in the Suburbs et Smart House, donc des films originaux de Disney Channel. Une série sur El Chapo bientôt sur les écrans. Une série sur la vie du baron de la drogue mexicain Joaquin El Chapo Guzman. Ça va bientôt sur les écrans, confié au créateur de Narcos, qui dépeignait l'histoire de Pablo Escobar, un autre célèbre narcotrafiquant, selon le magazine Variety. Cartel qui diffusera la chaîne câblée History retrace l'émergence de gangs qui utilisent les réseaux sociaux pour faire leur promotion, une métaphore sur les risques de frimer sur les réseaux sociaux, a expliqué la présidente de la chaîne. Il mettra en scène El Chapo, le sanguinaire leader du cartel de Sinaloa, arrêté en janvier, 6 mois après s'être échappé de sa prison par un tunnel. La vie de Guzman, avec son lot de meurtres, de drogue, de corruption et de gloire, a été et continue d'être l'une des histoires les plus troublantes et fascinantes de la décennie, a poursuivi la présidente. Si l'acteur américain Sean Penn a rencontré El Chapo, l'histoire sera confiée à Chris Brancato, qui a co-créé la série à succès Narcos, diffusée sur Netflix sur la vie du baron de la drogue colombien Pablo Escobar. Guzman, emprisonné au Mexique, est sous le coup de 2 demandes d'extradition par des tribunaux du Texas et en Californie pour homicide et trafic de drogue. Allons sur Internet maintenant. Netflix annonce une suite à Wet Hot American Summer. Le tout se déroulera 10 ans plus tard. Et là, vous me dites, mais quand il y a déjà eu une suite à ça? Ah, c'est une autre suite, mais différente. Il semblerait bien que Netflix n'ait pas encore terminé avec Wet Hot American Summer. Après avoir proposé en 2015 une série dérivée du film culte et qui faisait office d'antépisode, donc de prequel, voilà qu'on aura maintenant l'occasion de retrouver cette belle troupe de comédiens étoiles 10 ans plus tard. En effet, Netflix a annoncé le projet d'une nouvelle série de 8 épisodes qui sera offerte aux abonnés en 2017. Le tout a été annoncé à l'aide de la scène finale du film original dans laquelle les protagonistes suggéraient des retrouvailles 10 ans plus tard. C'est comme ça que ça fonctionne, donc c'est un beau petit rappel. Le film original était paru en 2001 et se déroulait durant la dernière journée d'un camp d'été. On y était témoin des aventures, pérégrinations et idylles d'adolescents, tous plus différents les uns que les autres, interprétés par des adultes. Au chapitre des acteurs connus qui s'y trouvaient, on pouvait nommer donc Paul Rudd, Molly Shannon, Amy Poehler, Bradley Cooper, Elizabeth Banks et plusieurs autres. Ils se sont retrouvés en 2015 dans la série Wet Hot American Summer First Day of Camp, qui prenait place pendant la première journée du même camp. Les acteurs étaient alors beaucoup plus âgés, mais interprétaient toujours ces mêmes adolescents. C'est ce qui faisait que c'était drôle. Hein? La nouvelle série sera à nouveau écrite par David Wayne et Michael Showalter, avec Wayne derrière la caméra. On ne sait pas encore si les acteurs vont être de retour, on peut présumer que oui. Il serait intéressant de voir si cette nouvelle série débutera comme le clip ci-dessous, qui donc sur l'article sur assemblagerequis.com, qui figure à la fin du générique du film, qui prend justement place 10 ans plus tard. Allez voir ça sur assemblagerequis.com. Toujours chez Netflix, une série pour le Punisher. Netflix annonce que le Punisher, personnage mythique de l'univers Marvel et récurrent de la saison 2 de Daredevil, va prochainement faire l'objet d'une série dédiée. Frank Castle, alias le Punisher, va donc être le héros de sa propre série, diffusée en exclusivité sur Netflix. Il sera toujours interprété par John Bernthal, qu'on connaît pour The Walking Dead et le loup de Wall Street, comme précédemment aussi dans Daredevil. Ce dérivé, produit et écrit par Steve Lightfoot, qu'on connaît de Hannibal, mettra donc en scène les aventures de l'ancien militaire et pris de vengeance après l'assassinat de sa femme et de ses enfants. Il s'agira de la sixième série diffusée sur Netflix, issue de l'univers Marvel, après Daredevil, Jessica Jones, Luke Cage, Iron Fist et la mini-série The Defenders. Véritable sociopathe, le Punisher a déjà fait l'objet de plusieurs adaptations au cinéma, dont l'une sous les traits de Dolph Lundgren. Et pour terminer, un épisode spécial de Sense8 sur Netflix à Noël. Un épisode spécial sera diffusé à Noël, avant le lancement de la deuxième saison de la série dramatique prévue en 2017. Toujours centré sur les 8 personnages qui tentent de survivre face aux menaces d'une société secrète qui les traque dans une ville de ville aux quatre coins du globe, la nouvelle saison est actuellement en cours de tournage. Ces nouvelles aventures se feront sans... Emil Mean, alias Caféus, l'acteur qui a décidé de quitter la série suite au désaccord artistique qu'il opposait à Lana Wachowski, la co-créatrice et réalisatrice de Sense8, qui sera remplacée par Toby Unwumere, qu'on connaît de The Book of Dallas. La première saison de la série avait été lancée le 5 juin 2015 sur la plateforme Netflix. Voilà, c'est tout pour Television Television. Beaucoup, beaucoup de grosses nouvelles quand même, des choses assez intéressantes. Les liens sont sur assemblagerequis.com si vous voulez vous remettre ça en tête. On va terminer avec les codes d'écoute. Tiens, la semaine passée, je me rappelle qu'on avait eu un délai, il y avait eu un manque du côté du site web où je prends mes codes d'écoute. Allons voir si c'est la même chose cette semaine avec ce site très très lent, très très mal écrit qu'on appelle tvqc.com. En fait, c'est encore la même chose. On n'a pas mis à jour les codes d'écoute, donc on laisse faire ça. On laisse tomber les codes d'écoute. Hein? On va retourner en chiptune par contre, parce que ça, il en manque jamais du chiptune. Jamais, jamais, j'ai une source inépuisable de chiptune. Donc on s'en va entendre. Qu'est-ce que j'avais prévu? Ah oui, voilà. C'est une pièce de Brink, un habitué de l'émission. On s'en va entendre avec Total Bay N163. Si on peut y aller avec ça, tout de suite, MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou 89.fm. C'est le 89.9. la musique de The Koopas, un groupe de jeux vidéo qui vient de Californie. Leur album s'appelle... est-ce qu'il s'appelle quelque chose? Oui, Warp Zone, voilà. Et la pièce en tant que telle s'appelait Dark World, c'est de The Legend of Zelda, Link to the Past. Bien sûr, avant la pause, on a entendu Total Bay avec Bring, comme Mathieu Planchon. Et maintenant, c'est Merci Science. Merci Science, la chronique dans laquelle on remercie la science d'exister. Et on commence avec la voix de Freddie Mercury qui a été décryptée. Oui, ça, merci Science de résoudre ce problème-là. Le chanteur mythique du groupe Queen est au cœur d'une publication scientifique qui s'est intéressée à ses performances vocales exceptionnelles, dans l'aigu comme dans le grave. Les chercheurs ont trouvé que la voix parlée de Freddie Mercury était plus grave qu'il n'y paraît, donc plutôt baryton que ténor, et que son vibrato est particulièrement rapide. La voix de Freddie Mercury, né en 1946, mort en 1991, le chanteur de Queen, donc, a certainement contribué au succès de son groupe en raison de ses capacités étonnantes. Capable de son grave et profond, elle pouvait également se faire pure et cristalline dans les aigus. Le chanteur a été classé par le magazine Rolling Stone à la 18e place des 100 meilleurs chanteurs de tous les temps. Sa voix a même été décrite comme une force de la nature avec la rapidité d'un ouragan dans un article de The Guardian. Mais comment expliquer les performances surprenantes du chanteur? C'est ce que se sont demandé les chercheurs tchèques qui ont étudié la technique vocale de Freddie Mercury grâce à ses données acoustiques et des enregistrements. Christian Herbst, le principal auteur de ces travaux et chercheur au laboratoire de recherche sur la voix à l'université Palaki de Olomouc, a expliqué à Live Science que le groupe Queen était l'un de ses groupes préférés quand il était adolescent. C'est intéressant, hein? Dans un article paru dans la revue Logopedics Phoniatrics Vocology, les scientifiques ont examiné différents aspects de sa voix chantée et parlée, ainsi que son vibrato, une oscillation de la voix à une fréquence particulière qui est possible grâce à certains muscles. Les notes aiguës que Freddie Mercury pouvait atteindre laissent penser qu'il était plutôt ténor. Mais d'après l'analyse de sa voix parlée dans 6 entrevues du chanteur, les chercheurs ont trouvé qu'il parlait à une fréquence de 117,3 Hz, ce qui correspond à une voix de baryton, qui est donc plus grave qu'un ténor. Ceci n'avait pas échappé à la soprano Montserrat Caballé, qui avait chanté en duo avec lui. L'article mentionne des propos de la cantatrice qui avait déclaré à propos de Freddie Mercury qu'il avait une voix de baryton. J'ai eu ici un jour, faisons un petit duo de baryton et soprano. Il a dit non, mes fans me connaissent comme chanteur de rock et ils ne reconnaissent pas ma voix si je chante dans le baryton. Les chercheurs ont aussi, il y a tellement des faits inutiles dans ces articles-là, les chercheurs ont aussi étudié 240 notes tenues par Freddie Mercury provenant de 21 enregistrements a cappella. La fréquence du vibrato était particulièrement élevée, 7,04 Hz. En musique classique, le vibrato se situe généralement entre 5,4 et 6,9 Hz. Chez les chanteurs non classiques, il a été relevé des vibratos à 5,45 Hz, 6,09 Hz et 5,04 Hz. Cette fréquence est particulièrement élevée dans le vibrato de Freddie Mercury a dû contribuer à son style vocal unique. Les chercheurs ont aussi détecté des irrégularités dans son vibrato. En comparaison avec les données de chanteurs pop rock et de classiques, le vibrato de Freddie Mercury était exceptionnellement rapide et la modulation était parfois assez irrégulière. Cela crée une empreinte vocale très spéciale. Le vibrato irrégulier de Freddie Mercury est particulièrement rapide, s'entend dans des notes tenues dans des chansons comme Bohemian Rhapsody ou We Are the Champions. Pour mieux comprendre ce qui devait se passer lorsque Freddie Mercury chantait, notamment comment son larynx se déplaçait et comment les cordes vocales vibraient, les chercheurs ont réalisé une endoscopie chez un de leurs collaborateurs, Daniel Zagerbark. Ce dernier est lui aussi chanteur de rock and roll et coach vocal. Grâce à la caméra utilisée lorsque Daniel Zagerbark interprétait une chanson de Queen, ils ont observé ce qui devait se passer dans le larynx de Freddie Mercury quand il produisait des sons aigus ou graves. Les chercheurs pensent que Freddie Mercury était particulièrement doué pour adapter la configuration de son larynx aux besoins de la musique, ce qui lui permettait une grande variété dans ses timbres de voix. Malheureusement, le chanteur disparu n'a pas pu être examiné de près pour confirmer ses hypothèses. Maintenant, une surprise, un organisme unicellulaire qui apprend. Il n'a pas de cerveau ni aucun système nerveux, il n'a qu'une seule cellule géante. Ce n'est pas un animal, ni même un champignon ou un végétal, pourtant il est capable d'apprendre. Physarum polycephalum a étonné les chercheurs qui, pour la première fois, ont démontré qu'un protiste pratique l'apprentissage sous une forme nommée habituation. De quoi se poser la question pour d'autres organismes simples comme les virus ou les bactéries. La capacité d'apprentissage et la mémoire sont des éléments clés dans le monde animal. Tirer des leçons de ses expériences et adapter son comportement en conséquence est vital pour un animal qui vit dans un environnement fluctuant et potentiellement dangereux. Cette faculté est généralement considérée comme l'apanage d'organismes dotés d'un cerveau et d'un système nerveux. Pourtant, les organismes unicellulaires doivent eux aussi s'adapter aux changements. Manifestent-ils des capacités d'apprentissage? Des bactéries ont certes une faculté d'adaptation, mais elle se produit sur plusieurs générations et relève donc plutôt de l'évolution. Une équipe de biologistes du Centre de recherche sur la cognition animale, le CNRS de l'Université Toulouse 3 Paul Sabatier, a donc cherché à apporter la preuve que l'organisme unicellulaire pouvait apprendre. Ils ont choisi d'étudier le protiste Physarum polycephalum, une cellule géante possédant plusieurs noyaux et classée parmi les myxomycètes, qui vit dans les sous-bois et fait preuve d'étonnantes aptitudes, telles résoudre un labyrinthe, éviter les pièges ou optimiser sa nutrition. En 2006, des chercheurs lui avaient même fait piloter un véhicule hexapode, mais on savait très peu de choses jusqu'à présent sur sa capacité d'apprentissage. Lors d'une expérience de 9 jours, les scientifiques ont confronté différents groupes de ce protiste à des substances amères, mais inoffensives, qu'il devait traverser afin d'atteindre une source de nourriture. Un groupe était ainsi placé devant un pont imprégné de quinine, un autre devant un pont de caféine, tandis qu'un groupe témoin devait simplement passer sur un pont non imprégné. Au tout début réticents à franchir les substances amères, les protistes ont appris au fil des jours qu'elles étaient inoffensives et ils ont traversé de plus en plus rapidement, se comportant au bout de 6 jours de la même façon que le groupe témoin. La cellule a donc appris à ne plus craindre une substance inoffensive après avoir été confrontée à plusieurs reprises, un phénomène que les scientifiques nomment l'habituation. Au bout de 2 jours sans contact avec la substance amère, le protiste retrouve son comportement initial de méfiance. Par ailleurs, un protiste habitué à la caféine manifeste un comportement de défiance vis-à-vis de la quinine, et inversement. L'habituation est donc bien spécifique à une substance donnée. L'habituation est une forme d'apprentissage rudimentaire qui a été caractérisée par chez l'aplysie, qui est un mollusque gastéropode marin, aussi appelé le lièvre de mer. Elle explique chez tous les animaux, mais elle existe chez tous les animaux, mais n'avait encore jamais été trouvée chez un organisme dépourvu de système nerveux. Cette découverte chez un protiste lointain cousin des plantes, des champignons et des animaux, apparu sur Terre il y a environ 500 millions d'années, permet de mieux comprendre les origines de l'apprentissage qui précède de loin celle des systèmes nerveux. Elle ouvre également la possibilité de rechercher des types d'apprentissage chez d'autres organismes très simples comme les virus ou les bactéries. Ces résultats ont été publiés dans la revue Proceedings of the Royal Society B du 27 avril dernier. Allons-y avec des bactéries volantes pour mesurer la pollution de l'air. Des bactéries transportées par un drone et génétiquement modifiées pour mesurer la pollution et la cartographie en 3D à l'échelle d'un quartier ou d'une ville, c'est le projet Quantifly, lancé par des étudiants du groupe Ionis. Des participants avec des industriels sont en train de concrétiser tout ça et l'équipe commence à en parler. Il ne faut douter de rien pour avoir cette idée et commencer à la réaliser. Une équipe de 15 étudiants du groupe Ionis près de Paris provenant de diverses écoles s'est formée pour réaliser un projet pour le moins complexe, au sens premier du terme, c'est-à-dire composé de plusieurs parties. Je cite, « Nous voulons partir sur un projet lié à l'environnement et à la mesure, et la mesure de la pollution nous a semblé un bon thème, car c'est un sujet de santé publique aujourd'hui. » Côté biologie, c'est le travail d'un groupe de SOP Biotech de trouver le moyen de modifier le génome de bactéries pour leur faire détecter des polluants. Pour l'instant, ils espèrent le faire par le benzène et le toluène, des COV, donc des composés organiques volatiles, mais ce sera possible avec d'autres molécules. En leur présence, la bactérie devient bioluminescente et sa lumière peut être mesurée. Le système embarqué peut ainsi effectuer sa mesure plus rapidement que les procédés actuels. Une amélioration de la technique avec la microfluidique permettra un jour de faire le travail en temps réel. Mais pourquoi embarquer cette installation dans un drone? Eh bien, pour effectuer des mesures dans un large volume, celui d'un quartier, voire d'une ville entière, on peut de cette manière cartographier la pollution en 3 dimensions. Et d'expliquer que la concentration de polluants peut varier beaucoup d'une rue à l'autre ou en fonction de l'altitude. Il est vrai que certains ont imaginé de faire mesurer la pollution par des pigeons. On l'avait mentionné dans Merci Science il y a quelques temps. Pour cette cartographie, l'intérêt d'un drone est aussi d'obtenir un tracé précis et programmable. Bien sûr, le principe de la mesure avec des bactéries peut aussi être utilisé à l'intérieur d'un bâtiment. Selon ses initiateurs, le procédé permet un gain important en précision des mesures de polluants atmosphériques par rapport aux méthodes actuelles et offrirait un coût bien plus faible avec une grande souplesse d'utilisation. Le projet mené par le chef de projet Clément Lapierre semble en bonne voie. Des partenariats ont été noués avec des entreprises qui ont fourni des moyens ou des compétences. Plusieurs groupes d'étudiants ont travaillé les différents aspects du travail venus de l'eArtsup pour le design, de l'EPITA et de l'EPITECH pour l'informatique et de l'EPSA pour l'aéronautique. Voilà. Ensuite, ils ont tout validé ça in silico. C'est indispensable pour présenter en octobre prochain à Boston, aux États-Unis, ce prototype au concours IGEM, donc International Genetically Engineered Machine Competition, la compétition internationale de machines génétiquement modifiées créée à l'origine par le Massachusetts Institute of Technology. Près de 300 équipes internationales sont en compétition pour l'édition 2016 et il faut un produit fini. La barre est haute car les étudiants veulent faire aussi bien que l'équipe Ionis 2015 qui a remporté la médaille d'or avec une console de jeux vidéo faisant travailler de véritables bactéries. On va suivre ça, évidemment, savoir s'ils ont gagné après la compétition. Allons-y avec Star Wars maintenant. Si le combat au sabre laser devenait réalité, des chercheurs allemands sont parvenus à influencer le comportement d'un faisceau lumineux à l'aide d'une seule molécule organique et d'une poignée de photons. Une expérience qui donne un peu plus de réalité physique au combat au sabre laser de la saga Star Wars. Plus sérieusement, cette première mondiale pourrait aussi aider au développement de transistors nano-optiques pour ordinateurs photoniques. C'est dans le secret de laboratoire du Max Planck Institute for the Science of Light, en Allemagne, que l'équipe de chercheurs a réussi à observer les effets d'optique non linéaire partant d'une unique molécule médiatrice et de faisceaux de lumière, des faisceaux laser plus exactement, composés de quelques photons seulement. En d'autres mots, ces chercheurs sont parvenus à influencer et à modifier le parcours d'un faisceau lumineux à l'aide d'une seule molécule organique soigneusement sélectionnée et d'une poignée de photons. C'est une première mondiale. Pour mieux comprendre la prouesse, il est peut-être utile de rappeler que, selon les lois de la physique, les faisceaux lumineux s'entrecroisent toujours sans heurt ni étincelle. C'est du moins le cas dans le monde classique dit de l'optique linéaire, de quoi rendre totalement impossible les combats au sabre laser que se livrent les chevaliers Jedi dans la saga Star Wars. Dans le monde de l'optique non linéaire, cependant, un support matériel peut se transformer en médiateur entre les photons, de façon à ce qu'un faisceau laser puisse agir sur un autre faisceau laser. L'ennui, c'est que pour entrer dans le monde de l'optique non linéaire, il faut en quelque sorte forcer la porte et avoir recours à de grandes quantités de matière comme médiatrice et à des faisceaux laser extrêmement intenses. Au-delà de rendre les combats au sabre laser possibles, l'optique non linéaire pourrait avoir des applications pratiques très intéressantes. Utiliser des photons plutôt que des électrons pour transmettre les informations au cœur de nos systèmes informatiques pourrait ainsi aider à développer des ordinateurs toujours plus puissants et compacts. De plus, rendre l'optique non linéaire accessible permettrait d'envisager de concevoir les réseaux quantiques nanoscopiques dont rêvent certains. Pour toucher au but, l'équipe du Max Planck Institute a tout d'abord refroidi jusqu'à quelques moins 272 degrés Celsius des molécules intégrées dans une matrice solide. À l'aide des techniques de microscopie et de spectroscopie les plus modernes, ils ont ensuite forcé les deux faisceaux laser à se focaliser et à se croiser précisément au-dessus de l'une de ces molécules. Le premier faisceau, baptisé faisceau de commande, est destiné à modifier les propriétés optiques de la molécule, objectif que celle-ci devienne transparente au second faisceau, désigné sous le terme de faisceau sonde. S'ils ont choisi de travailler à cette température proche du zéro absolu, c'est qu'elle a permis à la section efficace de la molécule, la grandeur liée à la probabilité d'interaction d'une particule, d'être démultipliée à un niveau qui dépasse même sa taille réelle, de quoi donner l'illusion d'une molécule géante, offrant de nombreuses possibilités d'interaction avec les photons du faisceau de commande. Ainsi, seuls quelques-uns d'entre eux ont suffi à effectivement modifier les propriétés optiques de la molécule. Les chercheurs en sont convaincus, l'impulsion de commande peut encore être plus faible. Selon eux, un seul photon de commande devrait à terme suffire et permettre de présider à la destinée d'un photon sonde. L'équipe du Max Planck Institute poursuit donc ses travaux fondamentaux. Tout en pensant d'ores et déjà aux applications pratiques qui pourraient en découler, les chercheurs souhaitent en effet faire de cette molécule un transistor nano-optique à intégrer dans un guide sonde susceptible de jouer alors le rôle de câble entre différentes molécules, un pas donc de géant vers l'ordinateur photonique. Un gène qui peut vous faire paraître plus vieux que votre âge. Pour la première fois, des chercheurs ont identifié un gène qui influence l'âge apparent de notre visage. Les personnes qui portent deux versions mutées du gène MC1R paraissent donc deux années plus vieux. La jeunesse éternelle, voici ce que dirait Faust, mais qui n'aimerait pas paraître quelques années de moins. Une étude parue dans Current Biology décrit pour la première fois un gène qui, avec certains variants, peut vous faire paraître plus vieux. Pour cette étude, une vingtaine d'observateurs a estimé l'âge du visage de 2693 personnes âgées qui faisaient partie de la Rotterdam Study. Un algorithme a aussi mesuré le pourcentage de peau du visage couvert par les rides. Sans surprise, plus une personne était ridée, plus elle paraissait âgée. Pourtant, les rides ne sont pas le seul facteur qui influence l'âge apparent du visage. Les scientifiques ont recherché des associations entre l'âge apparent des participants et des millions de variations dans leur génome. Les SNP pour Single Nucleotide Polymorphisms, les associations génétiques les plus fortes concernaient les Les associations génétiques les plus fortes concernaient des SNP du gène MC1R. L'effet mis en évidence dans l'étude de Rotterdam a été confirmé dans deux autres cohortes européennes chez 595 Néerlandais de la Leiden Longevity Study et 1173 personnes de la Twins UK Study. Une étude sur les jumeaux, hein? Les changements dans le gène MC1R étaient fortement associés à l'âge apparent des participants. Les personnes qui avaient deux versions défectueuses du gène étaient perçues comme ayant deux années de plus que celles qui avaient deux allèles normaux. Ces associations étaient indépendantes de l'âge, du sexe, de la couleur de la peau et des dommages dus au soleil comme les rides et les taches pigmentées. Les chercheurs ont remarqué que l'effet du MC1R pouvait se rapprocher de celui du tabagisme, qui a aussi pour effet de faire paraître plus vieux. Le gène MC1R code pour la mélanocortine 1, une protéine qui contrôle la fabrication de la mélanine et le rapport entre la synthèse de phéomélanine et de leumélanine. Quand l'activité du gène MC1R diminue, il y a plus de production de phéomélanine qui est de couleur jaune à rouge. Cette phéomélanine a une moins bonne capacité à faire écran aux UV que leumélanine qui est marron-noir. Certaines versions du gène MC1R sont donc associées à la couleur rousse et à une peau plus pâle. La perte de fonction du MC1R est également lié aux taches de vieillesse, à la kératose actinique et à des cancers de la peau. MC1R joue aussi un rôle dans la prévention de l'inflammation, un facteur qui favorise le vieillissement, la réparation de l'ADN et dans les fibroblastes lors de la cicatrisation et de la réparation des tissus. Il y a quelques mois, une autre étude a identifié un gène associé aux cheveux blancs, IRF4, qui contrôle la production et le stockage de mélanine. Et pour terminer, une intelligence artificielle sur une clé USB. Movidius, la société qui développe les coprocesseurs de modélisation 3D du projet Tango de Google, vient de dévoiler une clé USB grâce à laquelle n'importe quel appareil compatible peut exécuter directement un réseau neuronal préalablement entraîné. Ceci ouvre la possibilité de doter les terminaux mobiles, drones, caméras vidéo et autres robots d'une intelligence intégrée et non plus hébergée en ligne. Qu'il s'agisse de Watson d'IBM, de DeepMind de Google, de Facebook ou d'autres, les plateformes d'intelligence artificielle sont entraînées par des réseaux neuronaux multicouches qui ont besoin de beaucoup de puissance informatique pour fonctionner. La plupart du temps, ce sont des infrastructures de cloud computing qui hébergent l'intelligence artificielle et les terminaux qu'ils utilisent viennent s'y connecter. C'est le cas par exemple des assistants vocaux Siri, Cortana et Google Now sur nos téléphones intelligents. L'un des enjeux actuels est de trouver le moyen de faire fonctionner une intelligence artificielle directement sur un terminal afin de pouvoir élargir le champ des applications. Il faut pour cela des processeurs embarqués capables d'offrir la puissance du calcul nécessaire sans toutefois vider la batterie en quelques minutes. Nous avons récemment parlé à la chronique CNX, je crois, des travaux du Massachusetts Institute of Technology portant sur le processeur Iris pour faire tourner des applications intelligentes artificielles directement sur un smartphone. On sait également que Qualcomm et Nvidia ont développé leur propre processeur graphique. Il y a également Movidius, une société à laquelle Google s'est associé pour son projet Tango, qui a fait entrer la vision par ordinateur dans un téléphone pour la première fois. Cette entreprise basée en Californie vient de franchir une nouvelle étape en dévoilant une solution capable de faire tourner une intelligence artificielle potentiellement sur n'importe quel appareil muni d'un port USB, caméra vidéo de surveillance, drone, casque de réalité virtuelle, robot, etc. Baptisé Fathom Neural Compute Stick, il s'agit d'une clé USB sur laquelle peut s'exécuter un réseau neuronal qui aura été préalablement formé. Le cœur du système repose sur le processeur basse consommation Myriad 2, développé par Movidius, ainsi qu'une structure logicielle Framework adossée à la clé Fathom. Celle-ci va permettre aux utilisateurs d'adapter le réseau neuronal à un support mobile en optimisant son code pour qu'il fonctionne avec le Myriad 2. Fathom est capable, avec les plateformes d'intelligence artificielle open source TensorFlow de Google et Caffe, développées par l'Université de Berkeley, l'une comme l'autre mettent à disposition des chercheurs et des développeurs un outil d'apprentissage profond basé sur les neurones artificiels dont ils peuvent se servir pour développer leurs propres applications dans le domaine de la robotique, de la navigation autonome, de la reconnaissance d'images ou de langage. Le Français Yann Lequin, qui dirige les travaux de Facebook en matière d'intelligence artificielle, a lui-même salué cette innovation qu'il dit attendre depuis longtemps. Avec Fathom, dit-il, chaque robot, qu'il soit petit ou grand, peut désormais bénéficier de capacités visuelles de pointe. C'est ce qu'il a déclaré dans un communiqué de presse de Movidius. Vraiment une nouvelle qui se situe pas mal à mi-chemin entre Merci Science et CNX. Justement, CNX s'en vient plus tard, mais avant ça, on retourne en chiptune. On était rendu à... Je suis tellement pas au courant de ce que je fais sur mon chiptune aujourd'hui. Ah, je pense qu'on est rendu là, voilà. C'était, une pièce sortie de Super Mario World, une version de la chanson de la pièce Subcaster BGM de l'artiste Mega Neko. Donc voici ce remix Big Boo Bad Man, tout de suite MPS, le Mathieu Plante Show sur C'est Fou 89.1 FM. We'll be right back. Vous êtes assez fou pour l'écouter. C'est fou. .ca. 89.1. DJ et Who Gives A, trois petits points, une chanson qui parle d'une rupture avec une fille, dit que quand tu te sens pas tellement mal parce que finalement elle était pas la bonne pour toi. Tu l'aimais pas tant que ça. Avant ça, c'était une pièce de Super Mario World refaite par Megan Echo. Et la pièce remixée s'appelle Big Boo Badman. Voilà, c'est basé sur la chanson Subcaster BGM sur de Super Mario World au Super Nintendo. Maintenant, c'est Cynix, le segment geek. Cynix, c'est la chronique technologique, informatique et vidéoludique. Et commençons par, évidemment, j'ai pas le choix d'en parler parce que ça tombe aujourd'hui pour les gens qui nous écoutent en direct. On est mercredi 4 mai. May the 4th be with you, comme on dit. Et il y a quelques petites opérations pour cette journée Star Wars, non officielle, bien sûr. Le 4 mai qui est la journée pour ça, le petit jeu de mots là-dedans. C'est célébré pas mal partout sur Internet. Hein? May the 4th, comme dans May the 4th be with you. Bon, c'est pas très, très original d'en parler, mais les choses qu'il y a autour de ça sont toujours intéressantes. Par exemple, le jeu Star Wars Battlefront est jouable gratuitement. Electronic Arts, qui possède certains jeux vidéo Star Wars, dont Battlefront, qui est sorti l'an passé. Le studio propose à tous les joueurs PC de jouer gratuitement au jeu de 20h à minuit aujourd'hui par le biais de Origin. Il faut 4 heures de jeu. C'est pas grand-chose pour le jeu Battlefront, mais ça pourrait être intéressant pour certains. Il y a Star Wars The Old Republic avec des festivités tout le mois. C'est le MMORPG de BioWare qui est donc est festif pas juste le 4 mai mais la semaine au complet. Le jeu va proposer des points d'expérience doublés du 3 au 10 mai puis du 27 au 30 mai. Aussi tous les jours, tous les 5 jours jusqu'au 30 mai, 5 joueurs ayant terminé le chapitre 8 Pillages and Profits de l'extension Knights of the Fallen Empire seront tirés au sort pour jouer pour recevoir des objets dans le jeu. Le 3 mai, donc hier, le jeu a vu débarquer le championnat éternel par le biais d'une mise à jour. Il y a un speedrun solo qui est organisé du 3 au 17 mai. Le joueur le plus rapide pourra emporter un voyage pour deux à Londres pour participer à la convention Star Wars Celebration en juillet. Les joueurs peuvent aussi tenter de gagner des pièces du cartel. Allez voir les détails sur assemblagerequis.com. Il y a des classiques de LucasArts qui sont bradés sur GOG.com, Great Old Games, je crois que c'est Good Old Games, GOG.com, qui est spécialisé dans les classiques. Ils ont lancé aujourd'hui la semaine Star Wars. Donc, on accueille Star Wars Shadows of the Empire, un jeu vidéo de LucasArts dans lequel le joueur intègre l'escadron Rogue. Ce titre de 97 est lancé donc à un prix réduit. GOG.com propose également des packs thématiques, l'un consacré au sabre laser, l'autre au pistolet laser. Ça comprend 8 à 9 jeux provenant essentiellement des studios de LucasArts qui sont vendus pour pas trop cher, une réduction de 60 à 70% par rapport au prix normal. T'as aussi des rabais sur les Lego de Star Wars en ce moment, des concours souvenirs sur les réseaux sociaux. Donc allez voir tous les détails, l'article est bien étalé sur QVIC.com, donc passez par le site assemblagerequis.com. Ensuite, un robot humanoïde pour explorer l'océan par procuration. Muni de mains reliées à un système haptique, ce robot humanoïde sous-marin mis au point à l'université de Stanford permet à son pilote de ressentir avec précision ce que l'engin touche. Très bien adapté aux fouilles archéologiques en eau profonde, Ocean One a fait ses preuves en France au large de Toulon en explorant l'épave d'un navire du 17e siècle. Les explorations archéologiques sous-marines en grande profondeur se font aujourd'hui au moyen de petits sous-marins robotisés, des outils indispensables pour aller où des plongeurs humains ne peuvent se rendre, mais dont les possibilités sont assez limitées. La situation pourrait changer grâce à la robotique Ocean One, un robot de forme humanoïde conçu à l'université de Stanford, permet à l'opérateur qui le contrôle de ressentir littéralement ce qu'il touche grâce à une technologie de retour d'effet. Ocean One sera votre avatar, explique le professeur à Stanford et concepteur de cet étonnant robot qui peut plonger jusqu'à 1000 mètres de profondeur. Le projet est né du besoin d'explorer des récifs coralliens. Récifs? Est-ce qu'on dit récifs en français? Coralliens profonds en mer rouge à l'aide d'un sous-marin robotisé qui dispose de la dextérité et de la délicatesse d'un plongeur humain. Ocean One se présente sous la forme d'un buste d'environ 1,5 mètre de long où sont logés les batteries, les ordinateurs et 8 propulseurs multidirectionnels. Sa tête est équipée de 2 caméras stéréoscopiques et ses 2 bras articulés sont équipés de capteurs de force. Ce sont eux qui renvoient un effet haptique au pilote qui contrôle le robot à l'aide de 2 manettes. Par leur intermédiaire, il ressent avec précision ce que le robot touche. Lorsque Ocean One saisit un objet, l'opérateur peut même percevoir s'il est lourd ou léger, une information des plus précieuses en cas de fouille archéologique. Par ailleurs, le robot plongeur utilise une batterie d'algorithmes grâce auxquels il peut ajuster sa préhension pour ne pas endommager ce qu'il saisit, mais aussi naviguer de façon autonome en évitant les obstacles. Ocean One est également capable de se stabiliser en s'adaptant au courant marin. Et si d'aventure, ses capteurs et caméras lui indiquent qu'il risque une collision, il sait mettre ses bras en position de sécurité pour se protéger. Il y a de quoi être satisfait, puisque son robot plongeur, donc satisfait, là on parle du professeur qui a géré le projet, donc il peut être satisfait parce que son robot plongeur vient d'accomplir avec succès sa première mission. Elle vient de se dérouler en France au large de Toulon. Ocean One est allé explorer l'épave de la Lune, un navire gisant par 100 mètres de fond depuis 1664. Aucun plongeur humain n'avait jamais visité ce site. Assisté d'archéologues du DRASM, le département des recherches archéologiques subaquatiques et sous-marines du ministère de la Culture, le professeur a guidé son avatar sur l'épave et découvert un vase que le robot a pu délicatement saisir et remonter à la surface. Comme l'a expliqué le directeur du DRASM au micro de France Inter, la visualisation et surtout le toucher sont des facultés essentielles pour l'archéologie sous-marine. Il faut pouvoir évaluer la composition, donc métal, céramique, matière organique, et la fragilité d'un objet afin de le manipuler avec les précautions adéquates. Bref, les perspectives que Ocean One vient d'ouvrir sont des plus enthousiasmantes pour l'archéologie sous-marine, qui disposera d'un outil précieux pour découvrir des sites inexplorés. Par ailleurs, le robot pourrait être d'une grande utilité pour d'autres tâches telles que la maintenance d'installation, les forages en haute profondeur ou encore des missions de préservation de l'environnement marin. Le professeur compte assembler plusieurs exemplaires de ce robot avec l'idée de les faire travailler en équipe, sans donner toutefois de précision sur le coût ou un éventuel avenir commercial. des drones livreurs viennent servir des golfeurs au Japon. Le cybermarchand Rakuten s'apprête à proposer un service de livraison par drone. Dans un premier temps, il sera disponible au Japon sur un parcours de golf où les joueurs pourront commander des équipements, des encas et autres boissons en payant par carte bancaire via leur téléphone Android. Rakuten va lancer le 9 mai Soraraku, un service de livraison avec des drones pour les consommateurs. La première zone d'application dans des conditions du réel aura lieu sur un parcours de golf au Japon. Sur le parcours de golf, Soraraku apportera aux pratiquants des équipements, des sandwichs, des boissons ainsi que toutes sortes d'objets commandés par les joueurs dans des lieux définis. Pour utiliser ce service de drone, les joueurs pourront utiliser l'application Android dédiée afin de passer leurs commandes. Les consommateurs auront besoin d'entrer leurs identifiants de membres Rakuten et de payer en ligne par carte de crédit ou avec les points du magasin. La livraison et ses informations seront renseignées en temps réel comme pour toutes les livraisons classiques. Une charge maximale de 2 kg est annoncée mais pourra ensuite être réduite en fonction du temps. Le drone utilisé pour le service Soraraku a spécifiquement été mis au point par la marque et ACSL, un laboratoire spécialisé. C'est le Camel Golf Resort proche de la ville de Chiba qui accueillera cette première et que Rakuten déploiera ensuite dans les villes et les régions montagneuses. C'est le succès est au rendez-vous. L'idée de pouvoir utiliser le service pour livrer des denrées après des catastrophes est également au projet. Google invente l'écran déchirable. Oui, Google a déposé un brevet décrivant une technologie d'écran littéralement déchirable afin de partager des informations. Le système pourrait par exemple remplacer les affichettes de petites annonces qu'on colle un peu partout avec des numéros de téléphone à détacher. Mieux encore, les parties détachées pourraient même être réassemblées. On en voit souvent dans les boulangeries, les commerces... Des boulangeries? Ah, OK. Il me semble que c'est spécifique comme marché. Les commerces de proximité, les salles d'attente. Elles peuplent également les panneaux d'affichage des universités pour les étudiants à la recherche d'un logement ou d'une colocation. Ce sont les petites annonces avec leurs bandelettes détachables sur lesquelles figurent les numéros de téléphone. Dans le futur, elle pourrait être remplacée par une technologie des plus étonnantes. Des écrans dont on pourrait détacher des morceaux en les déchirant, exactement comme les annonces papier. L'idée, digne d'un scénario de science-fiction, nous vient de Google, qui l'a déposé auprès du Bureau américain des brevets et des marques. On peut imaginer qu'il s'agirait non pas d'un seul écran réellement déchirable, mais de plusieurs, susceptibles de fonctionner indépendamment. Google n'entre pas dans les détails quant à la manière dont ces affichages seraient connectés entre eux. Ça pourrait être un simple système magnétique, un peu comme celui qu'on retrouve sur les ordinateurs portables hybrides, l'écran se détache pour se transformer en tablette. Futura Science avait déjà évoqué un projet similaire avec le concept de Paper Fold à Queen's University au Canada. Il s'agit d'un smartphone composé de 3 écrans à encre électronique détachable et combinable selon les besoins. Sauf que Google va encore plus loin en expliquant que les parties détachées pourraient être réassemblées, associées entre elles ou encore connectées à un autre écran. Le contenu affiché s'adapterait selon les configurations. Autre détail intéressant, le document explique que différentes technologies d'affichage pourraient être utilisées comme le LED, l'OLED et le e-ink. Dans l'un des exemples concrets évoqués, Google décrit une annonce pour un chien perdu avec un affichage OLED sur l'écran principal et de petits écrans détachables en e-ink. On rappelle que cette technologie d'encre électronique ne consomme de l'énergie que lorsque le contenu qu'elle affiche est modifié, ce qui veut dire que ces écrans détachables n'auraient potentiellement pas besoin d'embarquer de système d'alimentation. Autre exemple proposé par Google, celui d'une publicité pour un produit avec des coupons détachables pour bénéficier d'une réduction. Tout ça a été patent, mais tout de même est difficile à imaginer, nous dit Futura Science, alors que les écrans souples et pliables que l'on nous promet depuis plusieurs années ne sont même pas encore commercialisés. Pour qu'une telle technologie puisse voir le jour, il faudrait d'abord qu'ait lieu une importante baisse de prix des composants et des processus de fabrication. Dans une déclaration adressée à la chaîne américaine CNN, un porte-parole de Google prend soin de souligner qu'un brevet n'implique pas nécessairement un produit fini, et évidemment, on se protège quand même en faisant des brevets comme ça. Il s'agit avant tout de protéger l'idée, c'est exactement ce que je viens de dire, un concept dont la description est suffisamment large pour pouvoir couvrir de multiples applications. En résumé, Google tente vraisemblablement d'anticiper l'arrivée d'écrans jetables qui, espérons-le, seront aussi biodégradables. Les voitures autonomes pourraient favoriser les relations sexuelles en voiture, selon un expert canadien. Un expert donc prédit que la venue sur le marché de voitures de plus en plus autonomes pourrait avoir un drôle d'effet secondaire, l'augmentation des relations sexuelles à l'intérieur des véhicules. C'est une des nombreuses choses que les gens vont faire et qui vont les empêcher de réagir rapidement lorsque l'ordinateur va dire à l'humain « prends le contrôle », a déclaré Barry Kirk du Canadian Automated Vehicles Center of Excellence selon la presse canadienne. Cette prédiction fait partie de notes remises au ministre des Transports du Canada, Marc Garneau, pour qui le développement de régulation au sujet des voitures se conduisant toutes seules est un mandat depuis le dévoilement du dernier budget, rappelle le Daily Mail. Des bureaucrates fédéraux s'intéressent à d'autres formes de distractions qui peuvent déranger les conducteurs de voitures autonomes et semi-autonomes, selon l'Observer, comme le fait de regarder son téléphone cellulaire pendant que le véhicule avance. Selon une autre note transmise au ministre Garneau, que la presse canadienne a obtenue grâce à la loi d'accès sur l'information, il est important de mettre l'accent sur le fait que ces véhicules ne se conduisent pas réellement eux-mêmes. Les ventes de vitres teintées augmenteront-elles avec la prolifération des voitures autonomes, nous demande le Huffington Post. Les caméras parlant de voitures peuvent désormais remplacer les rétroviseurs. Ce sera bientôt terminé avec les clignoteurs... Les clignoteurs avant un dépassement. Qu'est-ce que ça veut dire? Du moins sous la forme qu'on connaît depuis des décennies, les réglementations françaises et européennes autorisent désormais le remplacement des rétroviseurs par des caméras. L'Union européenne puis la France ont récemment adopté les évolutions de la réglementation qui autorise dès à présent le remplacement de rétroviseurs par des systèmes de vision indirecte. Le décret numéro 2016-448 paru au Journal officiel du 13 avril assure la cohérence du code de la route avec les nouvelles dispositions européennes. La réglementation automobile dépend effectivement de la Commission économique des Nations Unies pour l'Europe, le CEE ONU ou l'UNECE, qui a publié l'année dernière des rapports favorables à ces dispositifs appelés « Camera Monitor Systems ». Selon ces rapports, les rétroviseurs électroniques présentent des avantages et des inconvénients, mais les avantages l'emportent. Il y a un an, les prototypes testés mettaient parfois trop de temps à s'adapter aux changements brusques de luminosité, tels qu'en sortie de tunnel, aveuglant le conducteur 1 à 2 secondes. Ils étaient parfois encore plus éblouis par un soleil rasant ou par des phares qu'un rétroviseur optique. Mais ce sont des défauts qu'on sait contourner. En contrepartie, ils amélioraient significativement la visibilité dans l'une des situations les plus handicapantes, donc sous la pluie. Ils étaient par ailleurs moins sensibles à la saleté. Les caméras rétroviseurs ouvrent la voie à des améliorations du design à l'intérieur comme à l'extérieur des véhicules. Le remplacement de rétroviseurs par des caméras permet d'améliorer sensiblement l'aérodynamisme et donc de réduire le bruit et la consommation. Selon l'équipementier Valeo qui propose sa solution SightStream au constructeur, un rétroviseur électronique peut réduire les émissions d'un peu plus d'un gramme de CO2 par kilomètre. Quant aux écrans, on peut optimiser leurs emplacements en positionnant celui de droite à gauche du passager, par exemple, au niveau de la console centrale, afin qu'il ne risque plus de boucher la vue. On peut aussi envisager de recourir à la réalité augmentée en indiquant à l'écran les dangers potentiels. Voilà que de bonnes raisons d'utiliser des écrans et les caméras à la place des miroirs. Toujours dans les nouvelles du futur, Sony veut breveter une caméra intégrée à ses verres de contact. Alors qu'on retrouve ces capteurs photographiques dans une multitude de téléphones mobiles, Sony explore de nouveaux horizons. Une lentille de contact intégrant une caméra pourrait bien voir le jour dans les laboratoires de Sony, dans ce qui semble être tiré tout droit de l'excellente... les maudits articles avec les comparaisons des émissions de science-fiction. Black Mirror, une série britannique. C'est en effet ce que laisse croire une demande de brevet effectuée par le géant de l'électronique en 2014 récemment déterrée par le portail spécialisé Free Patents Online. On y décrit une technologie composée à la fois d'un verre de contact et d'un support de stockage pouvant contrôler une unité de capture d'image intégrée à la lentille. Pour activer la caméra, le porteur n'aurait qu'à effectuer un clignement conscient ou volontaire de l'œil pour que la capture photo ou vidéo soit transmise vers le support de stockage local ou vers un support externe. Comme si ce n'était pas suffisant pour conférer à ce gadget sa notion ultra futuriste, il est également question d'intégrer un écran à même la lentille cornéenne. Un capteur d'inclinaison serait exploité afin d'activer l'affichage d'une interface comprenant diverses options de capture. L'objectif de la caméra serait pourvu d'un autofocus, d'un capteur de contrôle de l'obturateur, et de la stabilisation d'image pour diminuer le flou provoqué par les mouvements du globe oculaire. Sony n'est pas la seule entreprise à se pencher sur l'intégration d'un capteur photographique au sein de verres de contact. Il y a quelques semaines, on parlait d'une demande de brevet similaire déposée par Samsung en 2014 intégrant caméra, écran, antenne et capteur dans une lentille composée d'une mince couche de polymère transparent. Comme c'est toujours le cas avec les demandes de brevets, évidemment, on ne saute pas aux conclusions, on sait que c'est seulement une idée. Cependant, on observe une multiplication de projets de verres de contact dotés de capacités technologiques depuis quelques années. Justement, Google qui brevette l'implant d'une lentille connectée intraoculaire. Google, ou plutôt les différentes branches de la société Alphabet, travaillent sur toutes sortes de projets un peu particuliers, notamment dans le domaine des lentilles. La lentille connectée, donc un projet qui ne sonne pas nouveau. Les chercheurs de Google pourraient aller plus loin encore, c'est du moins ce qu'on pourrait penser d'un brevet récemment découvert par Forbes. Dans ce dernier, Google décrit un appareil intraoculaire. C'est pas mal la même chose que celle de Sony, finalement. Une lentille directement greffée sur l'œil du patient, voilà. Google explique qu'il s'agit de remplacer la lentille naturelle de l'œil. Certes, l'appareil permet de corriger les déficiences visuelles, mais il embarque surtout des capteurs, une batterie ainsi que des composants d'une radio. L'appareil est alors en mesure de communiquer avec un autre à l'extérieur du globe oculaire, lui apportant davantage de puissance. Autrement dit, Google a donc déposé un brevet pour l'œil bionique. Il faut dire que la société planche déjà depuis plusieurs années sur le transhumanisme. Pour Ray Kurzweil, le directeur de l'ingénierie chez Google, les humains deviendront bientôt des êtres hybrides, donc dans le courant des années 2030, avec un cerveau connecté et stimulé par des nanorobots. Des ordinateurs alimentés par les ondes dans l'air ambiant. Des chercheurs ont présenté le WISP, une avancée majeure dans le domaine des ordinateurs fonctionnant sous batterie et ni alimentation filaire. Les derniers progrès en matière de microcontrôleurs basse consommation combinés au développement de réseaux de communication dédiés permettent déjà à des appareils de fonctionner plusieurs années à partir d'une simple pile. Ces objets connectés demandent néanmoins une maintenance. Mais ce nouveau genre d'ordinateur à l'autonomie infinie pourrait voir le jour. Des chercheurs de l'Université de Washington et de l'Université de technologie de Delft aux Pays-Bas viennent effectivement de présenter le WISP pour Wireless Identification and Sensing Platform, le premier ordinateur programmable sans batterie. Comme d'autres ordinateurs sans batterie avant lui, le WISP puise son énergie dans l'air ambiant en transformant les ondes électromagnétiques en électricité. Il fonctionne à ce titre comme un badge RFID, c'est-à-dire comme votre carte d'abonnement au transport en commun, sauf à Trois-Rivières évidemment, parce qu'on est arriéré, ou comme votre carte d'accès à votre entreprise. En plus de porter à la connaissance du plus grand monde l'existence de ce type d'ordinateur, le nouveau venu présente l'intérêt d'être le premier à être reprogrammable tout en étant 10 fois plus performant. La puissance du WISP est donc très limitée comparée à un ordinateur conventionnel ou même à un téléphone et néanmoins semblable à celle d'objets connectés tels qu'un bracelet de suivi d'activité. Depuis quelques années, toutes sortes d'objets deviennent connectés. C'est l'essor de ce qu'on appelle l'Internet des objets, l'Internet of Things, l'IoT. Mais cette découverte découpe les possibilités, la problématique de l'apport en énergie étant le seul frein à la connexion d'un grand nombre d'objets. On peut notamment imaginer des implants sur l'homme, des briques détectrices dans le bâtiment ou encore des arbres communicants. Une fleur solaire qui réinvente la photovoltaïque, la Smart Flower. Originale par sa conception et sa forme, la Smart Flower est une unité de production d'électricité solaire totalement autonome. Son installation se limite à la pose et à un branchement. Ensuite, elle produit en moyenne 3500 kW par année. Découvrez donc cette fleur géante à l'occasion de la Journée mondiale du soleil. Oui, c'était la Journée mondiale du soleil hier ou mardi. Une fleur de 6 mètres de hauteur dont les 12 pétales se déploient suivent la course du soleil et se referment le soir ou quand le vent est trop fort. C'est la Smart Flower, fabriquée par l'entreprise du même nom, basée à Vienne en Autriche. Elle est disponible en France en 3 versions en ce moment. Avec ses 18 mètres carrés, le modèle Pop, présenté en vidéo sur assemblagerequis.com, atteint une puissance de 2,31 kW crête, des KWC, avec 18 cellules photovoltaïques par pétale. Grâce à l'énergie solaire, l'engin produit environ 3500 kWh en une année, soit les besoins en électricité d'un seul foyer en dehors du chauffage et de l'eau chaude. Selon EDF, qui distribue ses produits en France, le suivi du soleil sur deux axes apporte un gain de 40% dans la production d'électricité par rapport à une installation fixe. L'entreprise autrichienne en a conçu une version différente dont les pétales se replient complètement à l'intérieur d'un boîtier qui se referme sur eux. Une autre, la Pop Plus, sert de borne de recharge pour une voiture électrique. Ces Smart Flower conviennent pour un particulier, un professionnel ou une collectivité locale. L'installation ne nécessite aucune infrastructure. Posée sur un pilier, cette fleur est complètement indépendante et intègre l'électronique de contrôle et l'onduleur. Son installation est donc simple et l'engin autonome se pilote tout seul. Après Loverboard, c'est Loverbike. Colin Firth est un bidouilleur bien connu pour ses inventions dont l'originalité n'a d'égal que les dégâts qu'elles peuvent causer. Loverbike n'échappe pas à cette règle. On doit à Colin Firth quelques spécimens du type le lit à éjection automatique pour un réveil en douceur, la scie qui tosse le pain en la coupant, ou encore le bazooka à feu d'artifice, autant de bizarreries que vous pouvez consulter, retrouver sur sa chaîne YouTube. Cette fois, ce fou furieux, moi là, ouais, a dû être échaudé par Frankie Zapata et son Flyboard Air et s'est lancé, c'est le hoverbike, sorte de vélo monté sur deux énormes ventilateurs. Et comme l'inventeur ne loupe jamais une occasion de faire quelques feux d'artifice, son moyen de transport très singulier peut en lancer depuis la base du guidon. Donc c'est pas stable, c'est très dangereux. Allez voir la vidéo sur assemblagerequis.com. Donc pour le homemade hoverbike, encore une fois, là au moins, le hoverbike au moins flotte dans les airs. Alors que le hoverboard, c'est juste une planche à roulettes qui flotte pas, donc ça hover pas. Hein? Je vais sauter par-dessus plein de nouvelles que vous pouvez retrouver sur assemblagerequis.com. Je voulais parler de quelques petits trucs de jeux vidéo. Tiens, pourquoi pas. Avant, j'ai une nouvelle qui était en introduction d'émission, donc je me sentirais mal de ne pas la lire. Un avion de Qantas qui est bloqué au sol, qui a été bloqué au sol à cause d'un nom d'accès Wi-Fi très douteux. Douteux, c'est un vol entre Perth et Melbourne de la compagnie aérienne australienne Qantas qui a été bloqué 2 heures au sol après la découverte d'un hotspot Wi-Fi dont le nom a semé la panique chez les passagers. Nommé son hotspot Wi-Fi, dispositif de détonation mobile, alors qu'on est sur le point de prendre l'avion. Et une très très mauvaise idée si on souhaite décoller à l'heure prévue. Les passagers d'un vol de Qantas destiné à faire la liaison entre les villes australiennes de Perth et Melbourne viennent d'en faire l'expérience. C'était samedi dernier, l'avion est resté cloué au sol durant 2 heures à l'aéroport de Perth. La raison était liée au nom donné par un passager à son hotspot Wi-Fi personnel, laissant planer un doute sur la présence d'un engin explosif à bord de l'appareil. Capté par d'autres passagers, le réseau Wi-Fi a semé la panique et la sécurité de la compagnie aérienne a immédiatement reporté le vol, informant les passagers que l'avion ne décollerait pas tant et aussi longtemps qu'il n'y aurait pas une batterie de vérification faite. Je cite le commandant à bord a expliqué qu'un dispositif était présent dans l'avion avec un nom sous-entendant un danger. Nous ne décollerions pas avant que l'appareil lui ait été donné. A déclaré l'un des passagers du vol, mais aucun appareil n'a été trouvé au bout des recherches et vérifications et l'avion a finalement été autorisé à décoller. J'imagine que la personne s'est sentie tellement mal qu'elle a tout de suite changé le nom de son accès Wi-Fi. Néanmoins, l'expérience désagréable, le doute et le traumatisme ressenti par certains passagers de l'avion a motivé 40 d'entre eux à ne pas prendre ce vol, entraînant un retard supplémentaire lié au bagage à décharger. Au final, le vol s'est déroulé sans problème, confirmant que le nom du réseau Wi-Fi était associé à une plaisanterie de mauvais goût. Le passager associé au hotspot n'a jamais été identifié et je pense que ça va continuer comme ça. Bref, comme je disais, une nouvelle jeu vidéo, on termine là-dessus. On sait désormais que la Nintendo NX sortira en mars 2007, c'est la prochaine console de Nintendo après la Wii U. Pourquoi attendre aussi longtemps? En partie parce qu'elle veut mettre toutes les chances de son côté, Nintendo, pour s'assurer d'un succès immédiat. Commercialiser une nouvelle console coûte cher aux constructeurs. Vendre une console à perte, Nintendo en a déjà fait l'expérience avec la Wii U, mais l'entreprise ne souhaite pas réitérer l'expérience avec la NX, comme l'a expliqué Tatsumi Kimishima, le président de l'entreprise, durant une séance de questions-réponses avec des investisseurs. Non seulement Nintendo voudrait ne pas perdre d'argent sur les ventes de la NX, mais l'entreprise voudrait que l'arrivée de cette nouvelle console compense l'impact de la baisse des ventes de la Wii U. La firme japonaise ne prévoit que 800 000 ventes de Wii U sur son année fiscale 2016-17. La NX ainsi que les activités liées au mobile vont être essentielles pour combler le vide, selon Kimishima, qui espère également que les ventes de contenu téléchargeable soient au beau fixe à l'avenir. Le développement de la NX bat toujours son plein dans les laboratoires de Nintendo. Il ne faut pas s'attendre à ce que l'entreprise mette la console en avant durant l'édition 2016 de l'E3. Actuellement, l'entreprise se concentre sur le développement logiciel pour qu'il soit prêt à temps pour le lancement de la console en mars prochain. Nintendo souhaite proposer un catalogue de lancement convaincant pour motiver rapidement les joueurs à passer à la caisse. Quoique, je me rappelle bien, c'était pas mal la même chose qu'on avait dit sur la Wii U, hein. Donc, le mois de mars 2017 aurait donc été choisi pour garantir un catalogue viable pour cette nouvelle machine sur laquelle on sait désormais que le nouveau Zelda sortira en même temps que la Wii U, que sur la Wii U. Ils préfèrent être en mesure de proposer une expérience totalement nouvelle plutôt que de se précipiter pour être prêt pour Noël. Donc, ça veut dire que ça sort après Noël, printemps, mars 2017. C'est un peu une date approximative. Peut-être que ça va être un beau cadeau pour la fin des classes. Je sais pas. Microsoft, à l'E3 2016, on s'attend à des annonces de matériel. Donc, peut-être quelque chose, une nouvelle mise à jour de la console. Je vous laisse l'article sur assemblagerequis.com parce que, Colin, ça donne tellement bien, on arrive directement à la fin de l'émission. Le Mathieu Planchot, merci d'avoir été à l'écoute. On se retrouve la semaine prochaine, toujours en direct les mercredis entre 15h et 17h. Tout le reste de l'été, on n'arrête pas. On va être en reprise les jeudis, mais on passe à midi au lieu de 14h. Donc on monte un petit peu dans la grille horaire. Midi à 14h, c'est à partir de cette semaine, jeudi. Je vous retrouve aussi à Assemblage Requis les mardis entre 15h et 18h. Consultez après, entre 4, pardon, je m'excuse, Assemblage Requis change d'heure aussi. On recule d'une heure. On est entre 14h et 17h, jusqu'à preuve du contraire. Consultez la programmation complète sur cif.ca, les notes de l'émission sur assemblagerequis.com. Les balades d'audition sont là-dessus aussi. De la part de toute l'équipe ici du Mathieu Planchon avec Mathieu Plante, ainsi que de Samuel Girard cette semaine. C'était Mathieu Plante. Vous avez été planté. Audiomatique s'en vient à 17h pour les gens qui nous écoutent le mercredi. Puis on se quitte sur une pièce de Venom. Voici Womp Womp. À la semaine prochaine. Bye.